écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Le frère a exploité les 5 minutes pour dormir un peu. Tu as pu dormir, mon frère? Mais ça, où ça a vite passé? On va dormir comment, bro? Ça tombe dans quoi, l'intérieur? En tout cas, là, on continue. Parce qu'il faut qu'on finisse aussi tôt pour qu'on rentre avant que la nuit ne tombe, non? Si c'est possible. On en parle là-dedans, le premier volet, on n'a pas encore touché le deuxième volet. Les autres, on peut continuer? J'espère que plus on a de l'avancée, plus on nous mieux parce qu'on a de faire, non? Vous assimilez. Amen. Papa, vous êtes bienvenu. Merci. Bon, il faut qu'on prie pour vous, non? Parce qu'il faut qu'on prie pour vous et puis on vous accompagne, vous partez, on continue. Parce que nous, on est là comme ça peut-être jusqu'à 22h. Donc vous pouvez nous accompagner jusqu'à 22h parce que vous avez affaire. Il faut qu'on prie. Regardez-vous, nous sommes tous vos enfants ici, donc on est prêts. Ils sont là, chacun a son âme là-dedans. Ils sont prêts à prier maintenant. S'il y a n'importe quel problème maintenant, on peut prier. C'est ça, non? On commence par qui? On commence par quoi? Que tu vois d'abord si. Tu laisses les doigts de naître, non? Dis qu'on commence par le papa. Hein? On prend par papa et on te laisse. Ou comment? Après, c'est toi. Papa, on prie pour toi. Hein? Vous l'avez compris, non? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quel est le problème, selon vous? Selon moi, je ne comprends pas bien la question. Je dis selon moi. On prie pour vous, pourquoi? Voilà les hommes qui sont prêts. Donc, même si ce n'est pas comment, ça ne peut pas les dépasser. Amen. Frère Vincent, dépose derrière le sac. Voilà. Papa, on est autour de la Bible là maintenant. Et en dehors de nous, si quelqu'un d'autre se trouve ici, qu'est-ce que tu veux donc qu'on fasse? C'est ce que tu cherchais ici, non? Tu allais dans un endroit, aller dans un autre endroit. Ah, qu'est-ce que tu partais chercher là-bas? Je partais dans tous ces endroits chercher la guérison. Depuis 41 ans. Voilà, 41 ans. Oui. 41 ans. 41 ans. Mais comment je te pose la question? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est tellement long. Et je te dis donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Le problème que tu as, je connais. Il te voit dans un autre endroit, tu y marches. Mais dans tes voici maintenant, il te dit, il y a quelqu'un qui s'est dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je ne comprends pas le problème. Le problème que tu as. Non, j'ai compris ce que vous demandez. Je demande à mon fils de prier pour moi. Mais avant cette maladie, s'il y a un esprit qui dérange la famille depuis longtemps. Oui, exactement. Mm-hmm. Il faut que ça s'arrête maintenant. D'accord ou pas? Mettez une chaise en plastique alors papa, il va s'asseoir au milieu. C'est pas la gère qui glisse là, ça prend le nom. Mais on voit son dos, c'est comme ça, il va le temps de vous voir. Papa, sens-toi à l'aise, d'accord? Mais quand tu nous regardes, quand tu regardes quelqu'un comme ça là, tu vois est-ce qu'il y a quelque chose de spécial en ceci par rapport aux endroits où tu es allé? Parce que tu es allé dans des endroits où il y avait même les gens, quand tu voyais la personne, tu sentais qu'il vivait avec les esprits. Non, quand je regarde ici, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Mais pourtant tu espères quelque chose de spécial à arriver. Quelque chose de spécial arrive. Effectivement, quand il vient dans quand j'entre pour la première fois dans un endroit, j'ai d'abord tout l'espoir que quelque chose de spécial va arriver. Oui. Maintenant, il y a des gens peut-être les autres peuvent ne pas savoir ce qui ne va pas dans, dans ton cœur. Mais je t'ai dit qu'il y a un problème de l'esprit depuis, depuis la, dans la famille, ça dérange la famille. Et cette situation si perdue. Et on a même dit à quelqu'un qu'il faut qu'il y ait une tradition, un rituel à faire pour résoudre ce problème. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas être la tradition. Ici, ça ne peut pas être la tradition, ne peut pas résoudre le problème. Il y a quelqu'un dans la famille qui porte un mauvais esprit et il dérange les gens avec cela. Il y a quelqu'un, un héritier, il a hérité ça de quelqu'un. C'est un bâton, c'est un commandement qu'on passe de personne à personne depuis des années. Cette personne s'hérite de quelqu'un qui était haut placé. On sait que cette personne c'était sorcier. La personne qui l'a hérité, c'est une personne qui est sorcière. Tu me suis pas? Il y a quelqu'un qui est chef et que cette chef se porte de mauvaises actions. Les esprits tout autour de lui dérangent les gens. Donc c'est pour ça qu'il dit que depuis l'enfance, ça dérange, l'esprit se dérange les gens dans la famille parce que ce n'est pas cette personne qui est le problème. C'est que cette personne qui a aussi hérité seulement. Tu savais ça ou pas? C'est que j'en ai dit là, tu as déjà entendu ça. C'est moi-même là. Je porte cette maladie depuis 41 ans là. Moi, je n'ai jamais rien compris. De son origine, n'est-ce pas? Oui, je n'ai jamais compris comment ça arrive. Donc maintenant, c'est que je t'en ai dit là qu'il y a quelqu'un qui a remplacé un patriarche et qui porte le commandement comme un chef. Est-ce que tu sais de quoi est question? Je suis dans une grande concession. Je suis dans une grande concession. Je suis dans une grande concession avec le grand-père. Donc, dans cette grande concession, en dehors du grand-père, je ne vois pas celui qui peut succéder à faire ces choses-là. Ce n'est que lui seul qui est. Puisque mon père est venu de chez le grand-père, mais on est dans la même concession. On est côte à côte. Comme vous placez votre enfant à côté de vous, vous lui donnez un champ à côté. Donc, moi aussi, je suis né là-bas, chez mon papa. Je suis aussi dans la même concession. Tu as entendu parler de cette affaire de coutume, c'est qu'il y a quelque chose à faire pour résoudre un problème? J'ai résolu beaucoup de choses dans la condition pour le coutume. Est-ce que ça a marché? Si ça a marché, je vais être guéri. Puis si j'ai fait beaucoup de coutumes, mais rien. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas le problème de coutume. En tout cas, même ce qu'on appelle coutume, c'est le mensonge, tout simplement parce que c'est les esprits méchants qui tournent la famille pour qu'on fasse ces choses-là. Maintenant, il se trouve quelqu'un qui a hérité d'une puissance maléfique dans la famille. Et c'est puissant maléfique, c'est réclame les gens, ça tue les gens à petit feu dans la famille. Donc maintenant, on va en découdre avec ça, d'accord ou pas? Oui. Qu'est-ce que tu attends? Regarde tes fils là-bas, du plus petit, du plus là. Quand tu les vois comme ça, ils sont musclés, regarde bien. Regarde les muscles, jusqu'ici. Qu'est-ce que tu attends qu'on fasse? Ce n'est qu'une prière pour moi. Une prière pour moi. Une question, si vous avez une question à poser à papa avant qu'on commence, parce qu'il faut qu'on prie pour qu'il puisse plus partir. Quelqu'un, vous avez des questions à poser? On n'a pas de questions à poser, on va prier pour lui. Oui, tout à l'heure, avant qu'il ne parle, tout à l'heure, il disait que vous allez rencontrer des problèmes. La Bible, la vie chrétienne ne consiste pas à aller là-bas. Jésus vient de le mot, il est mort pour nous. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. La lumière pointe pour éclairer les ténèbres, pas vrai? Donc voilà les situations que vous allez voir. Quelqu'un va venir s'asseoir au milieu de vous. Vous devez devoir lui donner une solution. Vous devez devoir lui donner une solution. Parce que s'il vient, ça veut dire que c'est vous qui avez la solution. Souvenez-vous de cela. Il ne faut pas que quelqu'un vous pose le problème que c'est mon mal qui me tue. Si tu n'as pas cette justement là-bas, ma part ici et ici. Que même toi, ça ne te laisse pas. Ça veut dire que tu as des problèmes. Vous comprenez ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Alors ça nous dit que ici, c'est vous qui devez apporter la solution. Et ça a désigné l'église comme source de solutions pour les nations. Et donc ça veut dire que si nous souffrons les mêmes maux que le monde, ça veut dire que c'est très grave. C'est que l'ampoule a été grillée, pas vrai? Et quoi que ça va meubler, cette tâche va meubler la seconde partie dont on a touché. C'est la première fois qu'on se voit. La première fois, comment donc savoir ça? Comment? Il y a un jeune qui est mort pas normal dans le passé. Un jeune garçon qui est mort dans le passé, c'est pas normal. Il a été coupé à la vie. Et à partir de ceci, il y a eu des accusations de meurtre. c'est cet esprit qui fait ces choses dans la famille, qui amène les disciples. Mais la personne qui a cette conscience-ci se trouve comme étant quelqu'un de simple, de sérieux, quelqu'un qui est calme de son côté, mais c'est la puissance qui a de c'est un peu comme l'une de tes petites que tu avais amené à la maison pour voyez, pour elle, il y avait les gens qui sont, quelqu'un qui est malade, c'est son image qu'on voit. On voit sur le marabout, c'est elle qu'on voit. Mais elle a hérité d'une sirène. Et la sirène en effet du mal aux gens. Véritablement. Et la sirène est là. Et quand on fait du mal, parce qu'on lui a connu la sirène, quand la sirène passe, avec son image qui part. Elle n'a pas fait du mal à autrui. Tu dors, elle dort, elle danse, elle dit qu'elle ne connaît rien à cette histoire. Mais c'est elle qu'on voit. Même si je suis le marabout dit, ouh, c'est toi qui as tué. Même si tu es de l'homme, non, non, non. Marabout, c'est toi qui as tué. Parce que ça se présente à l'intérieur comme étant lui. Parce que la sirène s'est identifiée à elle, à cette personne-là. On peut prier maintenant pour comprendre, n'est-ce pas? Qui va commencer? Vous voyez, normalement, dans le cœur doit être maintenant le tabernacle des prières maintenant. Vous voyez, l'une des choses, et on va voir cela dans la deuxième partie, l'une des choses maintenant, c'est, ok, voici quelque chose. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas là, vous dites, Seigneur, je crois que c'est vrai, tu as cette situation devant toi, puisque tu as vu, ça crée obstacle à la foi. La foi consiste à ne pas voir la difficulté qu'il en a, de voir la solution que le maître donne. Puisque ce n'est pas toi le solutionneur, tu portes seulement le vase. La puissance doit être attribuée à Dieu. Donc, par conséquent, avec le cœur de Dieu qu'on y va. Avec le cœur de Dieu. Alors, vous y allez avec le cœur de Dieu. N'est-ce pas les anciens? Les anciens, ce n'est pas les anciens de bavardage. Hein? Ce n'est pas les anciens de bavardage. L'esprit est la démonstration par la puissance. Donc, il faut maintenant que papa dise plus tard qu'il avait marché jusqu'à ce qu'il est arrivé à un endroit où on a prié pour lui. Donc, ça veut dire que vous devez élever la prière. On ne doit pas bavarder. On doit prier la prière pour lui. Quatre personnes dans le monde. Quatre. Papa, après ceci, maintenant, si tu guéris, comment tu vas faire maintenant? Comment sera ta vie maintenant, désormais? Je me pose la question. Depuis 41 ans, si j'ai guéri, ma vie va changer. Ça, c'est clair. Imaginez-vous la souffrance de 41 ans. C'est-à-dire être malade pendant 41 ans. Et je voyage. À tout pour chercher la guérison. Vous entendez ça? Je voyage. Vous comprenez la responsabilité. Tout l'argent, tout ce que je travaille pour dépenser sur la maladie. Ouais. Vous avez entendu? Mais c'est clair que vraiment Dieu m'a aimé et aidé. Parce qu'il n'a jamais prêté l'argent pour aller me soigner. Ouais. C'est plus que je. Dieu fait entre l'argent au moins pour te soigner. Oui. Donc, vous savez que Dieu lui a donné, Satan prend pas la maladie. Oui, ça qui est pour la pause. Quatre personnes dans le bouffe. Hein. Vous allez prier pour lui. Mettez-le dans au milieu, vous le mettez dans les quatre points, quatre directions. Faites-le s'asseoir, voilà qui s'asseye. Dans les quatre directions, les quatre vents. Vous lui imposez les mains au même moment. Et une personne prie pour lui. Vous lui imposez vos mains au même moment, au même instant, pour imposer lui les mains. Non, pas sur la toile, sur sa tête. Imposez lui les mains. Voilà l'imposition des mains. Vous voyez, vous êtes dans la phase pratique là-dedans. L'imposition des mains, regardez bien. On dit que Christ lui imposait les mains. Voici, c'est pas les mains ici, voici les mains. Lui impose les mains. Il n'y a pas l'imposition des mains au singulier ou de la Bible. C'est l'imposition des mains. D'accord? Alors une personne prie en dégageant cette maladie dans son corps, quelle qu'en soit son origine. Commandez que ça sorte et ça le lâche à partir d'aujourd'hui. Je te commande aujourd'hui. Toi, esprit des ténèbres, je te commande, quelle que soit ton origine, toi, esprit malin, je te commande de partir maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit des ténèbres, je te commande de partir au nom de Jésus-Christ. Esprit des ténèbres, toi, esprit des ténèbres, quelle que soit ta source. Vous pensez que Dieu vous a entendu, frère? Amen. Vous pensez qu'il. Vous croyez qu'il vous a entendu? Amen. Proclamez donc l'homme libre. Papa, tu es libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre. Parti sur moi. Levez-le. Levez le don. Sois restauré, sois guéri. Sois restauré, sois guéri. Informez-le donc là que Jésus-Christ l'a guéri. Informez-le. Fais-le s'asseoir, frère. Accompagne-le s'asseoir à sa place. Il veut qu'une personne sur sa chaise maintenant pour lui poser des questions. Concernant ce que vous avez prié comme moi, comme guérison. Vous priez pour la guérison. Et il a signifié que ça fait 41 ans qu'il a cette maladie-ci. Une personne s'assoit là, on parle. Vous avez prié pour sa guérison. Et vous dites qu'il est guéri au nom du Seigneur Jésus. Parce que vous lui avez imposé les mains en tant qu'ancien. Jésus, la Bible déclare dans Luc chapitre 13 que le Seigneur a imposé les mains à cette femme en disant que tu es délivré de ton infirmité. Vous lui avez imposé le nom, dites, sois guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Pose-lui des questions, ce que tu veux. Papa, qu'est-ce que tu veux? Il a déjà dit ce qu'il voulait. À l'issue de la prière, qu'est-ce que tu peux lui demander? Là, c'est la phase pratique de tout ce que l'on doit vouloir faire et on va faire là-dedans. Que je pose la question. Ta voix ne sonne même pas, ou bien une autre personne vient, va t'asseoir. Fais bien. Je laisse le faire, mais ta voix ne sonne même pas. Voilà. Il est à toi maintenant. Voilà notre père là, vous avez prié pour lui. Déjà vous croyez qu'il est guéri. Vous qui avez prié, vous croyez qu'il est guéri. Amen. Posez-lui la question si Dieu il sait. Demandez papa. Tu te sens comment avec la prière? La prière, je me sens à l'aise. Est-ce que tu crois que quelque chose s'est passé dans ta vie? Par rapport à tes différentes manches que tu as souvent eues, tout à l'heure tu as expliqué un peu comment tu allais de lieu en lieu. Je suppose que là-bas, des choses ont prié sur ton problème. Est-ce que quand tu essaies donc de faire le rapport avec ce qui s'est passé tout à l'heure, on a fait tout à l'heure, je n'ai jamais fait une prière de cette façon. Mmh. Je n'ai jamais rencontré des gens faire une prière de cette façon. Mmh. Ouais. Donc tu crois que tu es guéri? C'est normal. Mais tu dis que j'attends, mais tu ne ressens pas ça. J'ai tellement, j'ai tellement souffert que quand vous posez cette question, vraiment, je suis embarrassé de le dire. C'est quelque chose que je ne peux pas mettre à la cour. Il faut que vous preniez le numéro de papa, d'accord? Je vais prendre le même son numéro. Vous allez surveiller ceci. Je n'ai pas mon racontage. Ouais. Papa, il va prendre son numéro. C'est comme si tu es toute une bibliothèque dans ma tête. Donc, vous allez prendre son numéro, vous devez vérifier ceci. Ok, d'accord. Bon, maintenant, papa, quand tu t'es levé de la chaise pour aller t'asseoir là-bas, comment tu te sentais ton corps? Et quand tu as levé, quelle est la différence entre le moment où tu t'es levé et le moment où tu viens? On te lève encore ici. Tu as senti une différence dans ton corps, dans ton être. Quand je me lève là, je suis léger. Tu es léger. Ouais. Mm-hmm. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Je vous ai dévisé, mon frère. Lève ton chien. Laissez-le, vous mettez la main. Ça va chauffer la main pour deux. Non. Qu'est-ce que tu as expérimenté que tu ne voudrais pas expérimenter? Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a toi avec les esprits. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Tu sais qu'il y a des esprits qui te dérangent. Et tu ne voudras plus voir cela, ni entendre cela. Regarde les frères là. Ils vont en découdre avec cela maintenant, d'accord? Ils vont prier pour toi, pour chercher cela maintenant, d'accord? Alors, c'est entre vous-même, là, chassez tout esprit impur qui dérange sa vie. Au nom de Jésus, que ça sorte. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit impur dans ce corps, nous te commandons de t'en aller. Commandons de sortir. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit d'impureté, tout esprit qui habite dans ce corps, au nom de Jésus, libère ce corps. Doucement. Libère ce corps. Viens. Tiens-toi ici. Tu es un canal. Tu as l'autorité dans le nom du Seigneur Jésus. Toi, tu as l'autorité dans le nom du Seigneur Jésus. Ici se trouvent des gens qui nous dérangent. Ils dérangent cette femme-ci depuis. Leur habitude doit exister. Ça veut dire que cette sœur-ci doit être libre de servir le Seigneur. Parce qu'avec ça, la vérité, c'est que absolument. Même si tu ne peux pas, tu poses la parole, comment. Si ils sont à l'intérieur, vont leur déranger. Tends ta main droite sur elle. Tu es tout esprit des ténèbres qui se trouve. Tu fais un exercice, tu dis au nom de Jésus. Si l'esprit est là, violent, il dit hé, tu ouvres l'objectif, il tape ici, tant. Les esprits ne sont pas, ne réagissent pas de la même façon chaque fois. Et non, si tu as les voilà prier pour cette personne, c'est tu dis, tout esprit de ténèbres, au nom de Jésus. Quand tu colons le nom de Jésus, que c'est le tonnerre que tu fais déclencher. La personne peut se faire du mal. La personne peut tomber à se faire du mal. Et, ok, il faut que tu sois violent, peut-être même si elle va tomber, il faut l'arrêter. Parce que cet esprit peut vouloir faire du mal à ses corps, c'est parce qu'il sait qu'il va perdre le corps. Par conséquent, il faut que vous priez avec en étant vigilant. Lui, il est derrière, par exemple, pendant que tu as de prier. Si elle arrive qu'elle va se faire du mal, il faut qu'elle la maintienne. C'est ça, d'accord? Donc, tends la main comme ça sur elle. Voilà. Tends la main sur elle. Ce que tu vas voir maintenant, c'est que tu vas voir qu'en réalité, quand on dit au nom de Jésus, ça s'arrête. Mais il faut que ce qui va sortir ici soit esquivé ici et que ça soit connecté à ta Bible. C'est ta Bible ici, non? Il faut que ça soit connecté. Donc, maintenant, on va y aller. On y va. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit dans ce corps. Au nom de Jésus. Comment j'ai sorti? Tout esprit impur dans ce corps. Tout esprit rebelle. Comment j'ai libéré ce corps maintenant au nom de Jésus-Christ? Quelle que soit la provenance, quel que soit ce qui t'a donné le droit dans ce corps. Comment j'ai libéré ce corps maintenant au nom de Jésus-Christ? Tu libères ce corps au nom de Jésus-Christ. Je commande, vous esprit impur, vous esprit qui a pris possession de ce corps depuis longtemps. Vous libérez votre droit dès maintenant. Vous sortez au nom de Jésus-Christ. Observe. D'accord. Il veut toute l'observation là-bas. Observe. Ton ami. y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là. C'est vrai. Elle doit être un livre. Il faut que ceci soit théologique. C'est un livre, d'accord? C'est un livre, d'accord? Pour être la chasser le démon, est différent de prier pour les malades. Toi qui aimes le plus, tu vois, t'as vu quelque chose de là. Moi, je te cache ça comme ça. Tu as peur. Comment tu sais que tu as des problèmes spirituels? Pareil, je vais souvent le terminal, il est par un et par un moment, il faut que je vois les médicaments qui en dehors de ça, le fait que tu ne dormes pas, tu ne sais pas qu'il y a des oppressions, tu as des oppressions, des esprits qui t'ont croisé. Mais sinon, on a rien dit. Donc, tandis que là, ça t'oppresse, toi, tu ne sais pas que c'est un esprit qui t'oppresse. Tu prends le médicament pour cela. Mais quand tu prends le médicament, ça fait comment? Non, le bois, il fait pour dormir. Pourquoi quand il t'oppresse, tu ne sais même pas qu'il y a une chance de t'oppresser. Et après, là, tu as pris le médicament, ça résout le problème. Ah, je dors, je dors. Tu dors souvent, tu te lèves, la demain, si tu as encore dormi, tu prends le médicament encore. Tu dépenses souvent le médicament. Pourquoi tu ne vas même pas dormir normalement, tu prends le médicament. Moi, je ne sais pas. Mais je ne vois pas tout, je ne vois pas tout le temps. Il y a un moment où tu bois, un moment où tu ne bois pas. Mais ça dit, est-ce que tu peux éliminer ce médicament là-dedans pour dormir seulement? Ah, je ne sais pas. Viens, mon cher. Toi, esprit impur, je t'ordonne de sortir dès le nom de Jésus-Christ. T'as suivi? Toi, esprit impur, je t'ordonne de sortir. C'est la deuxième phrase de la prière. Appelez-le notre encore. Toi, esprit impur, je t'ordonne de sortir dès le nom de Jésus-Christ. Donc, on va mettre quelque chose ici. Au niveau de ces affaires, on va mettre une main ici. Ici. Là. Comment tu le sens ici? Là, alors, ici. Ça me dérange, ça va. Et là, comment je fais pour résoudre le problème là aussi? Bon, quand il tendait la main là-bas, ça veut dire que je suis passé là-bas. Tu ne savais pas ce qui se passait. Mais sinon, là-bas, quand le temps, c'est bon. Quand le temps, ça tue les nerfs. Non. Tu dis qu'on te tend les nerfs, c'est ça là? Non, moi, je dis que ce sont les nerfs. Bon, vas-y. Toi, esprit impur, je t'ordonne de sortir de ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit impur, je t'ordonne de sortir de ce corps au nom puissant de Jésus. Toi, esprit impur, je t'ordonne de sortir de ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit impur, je t'ordonne de libérer ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Frère, reste debout, je vais te poser une question. Viens, là, devant où tu étais. Vas-y, là, tu peux t'en sortir. Ah, où c'est qu'il y a vu qu'il était debout là? Quelqu'un voulait entrer, non? Il dit. Elle est dehors. Tu l'as dit dehors. Je voulais entrer. Ça me fiche des médicaments dans la forme. À un moment donné, dans tes pensées, parle-moi du temps. Le temps qui t'est venu. Tiens, fais ici. À un moment donné, alors que tu viens de prier, parle-moi du phénomène du temps. De l'heure. le temps des heures. À un moment donné, tes pensées sont qui étaient la délivrance pour le temps. Pour l'heure. L'heure, non, l'heure. Le temps, quand il parle du temps, il parle du l'heure. Mm-hmm. Dis-nous, fais pas, parce qu'il va raconter quelque chose concernant cela, dans la délivrance. Le temps que mon frère Louis, je pendant que tu es debout, allez me prier. Oui. Voici la façon pour qui tu as de prier. Oui. Mais ta pensée a quitté cette direction-là à un moment donné. Pour le temps. Le temps particulièrement. C'est quoi? Ton attention, ça a été défocalisé sur le temps. Pour se figer un peu sur le temps avant de revenir. Je ne suis pas rendu compte. Tu t'es pas rendu compte? Tu as vu combien de temps tu as duré? Non. Tu n'as pas vu le temps passer? Non. Pendant que tu es de balancer la prière, tu balances la prière, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Quand tu pries, regarde. Quand tu pries pour elle, tu penses quoi? Pendant que tu as prié, les autres ont prié pour le papa. Mm-hmm. C'est un peu comme quelqu'un qui dribble, il passe le goal, il traverse le goal, il continue à partir. Mm-hmm. Il dribble, il lande dans le goal avec le ballon. Il sait que le ballon se limite ici. Donc voici le goal ici. Il continue avec le ballon en train de partir. Mm-hmm. Tu vois? C'est pour ça que tu as eu deux arrêts. Parce que moi, tu ne sais pas ce que tu as dit, tu ne sais pas ce que tu as dit, tu ne sais pas ce qui est passé, c'est passé là-bas. Donc maintenant, regarde à l'intérieur. Quand tu regardes à l'intérieur, tu vois quoi? Ah, elle, pas moi, il dit elle. C'est ta soeur, non? Qu'est-ce que tu as fait? Elle est délivrée. Tu es d'accord avec lui, non? Mm-hmm. Tu es d'accord avec lui? Mm-hmm. Bon, toi, également, par exemple, tu penses à quoi? Encore la délivrance. C'est une excellente, un peu de quoi là, que ça quitte, mm-hmm. N'est-ce pas? Ça, c'est sa méditation. C'est à cause de ça que ça peut arriver comme cela. Mais toi, quand tu pries au nom de Jésus que c'est Nazareth et te commande de sortir, lorsque ton attention est défocalisée pour penser à autre chose, à cet instant si précis, tout ce que tu viens de faire, tu bavardes, alors tu ne sais pas de prier. Mais quand tu pries avec toute la concentration sur la personne, à cet instant-là, à un moment donné, le sang se prend ta voix. Donc pour ne pas durer dans la délivrance, il faut durer dans la présence du Seigneur. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Pour ne pas durer dans la délivrance, pour que le facteur temps n'entre pas, il faut passer du temps dans la prière. Dans la prière, ça se trouve. Au fur et à mesure, plus tu dis Dieu devant le Seigneur, plus tu dis monde devant les démons. Donc, plus on dit devant le démon, moins on dit devant le Seigneur. Plus tu dis devant le Seigneur, moins on dit devant le Seigneur. J'espère que vous comprenez ce que je viens de dire. Mm-hmm. Voilà. Parce qu'en réalité, lorsqu'on prie avec discernement, c'est une chose différente. Quand tu pries en balançant d'une façon ou d'une autre, tu vas arriver à un endroit, c'est comme si, bon, supposons par exemple que tu dis que toi, si tu commandes aujourd'hui à la Bible, toi inspire plutôt. Et que ce soit le plutôt, ça ne marchera pas. Si tu as le discernement et que tu sais exactement de quoi il est question, tu commandes à cet être, à la personne dont il est question là. Quand Paul s'est tourné vers la page chapitre 16, il n'a pas dit à un esprit de gorille. Il n'a pas dit à l'esprit de lion. La femme ne lui a pas dit que j'ai l'esprit de python. Les gens qui sont autour de toi ne savent pas qu'elle avait l'esprit de Python. Elle s'est tournée, elle a dit que toi, esprit de Python. Cette personne, si c'est vraiment que prier pour moi, vous priez de moi, ça ne marchera pas. Parce que quand vous ne localisez pas c'est quel problème, ça ne marchera pas. Donc tu vois, le discernement amène rapidement la délivrance. Le discernement amène rapidement la délivrance. Et le discernement devant Dieu. Vous voyez que ça, c'est en clair, en droit de l'univers que ce soit le voir, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse. Mm-hmm. Je vous recommande à demain le Seigneur, d'accord? Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ce que tu as accordé à tes enfants. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que cette restauration et cette rafraîchissement que tu leur as accordé demain pour toujours, et que leur cœur soit à jamais attaché à toi à cause de cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme ils sont venus ici, Père de gloire, j'essaie et tu as dit à tes enfants, pour toi et tes enfants, qu'ils rentrent libres. Merci Père de gloire pour cette liberté. Que j'ai pris le Dieu de gloire, comme il rentre au Dieu de gloire, qu'il ne soit plus jamais le même. Et qu'il considère au Dieu de gloire ta bonté et de cette grâce que tu m'as accordée. Merci de purifier leur corps, leur âme et leur esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est-à-dire que je vais aller servir sur le serveur. Comme ça, on continue ici. Il y a quelque chose pour vous. S'il y a même de l'eau à boire, ça veut dire boire l'eau. Ça. Le deuxième volet, on va voir tout ce qu'on a de voilà maintenant, n'est-ce pas? Il y a notre cadre dedans. On va voir une deuxième volet, puis on prend une pause. On fait entrer ça là. D'accord, on a fini. Hein? Donc tu peux partir maintenant. Nous, on continue. On est là jusqu'à 22h, d'accord? Il est 16h. Donc, on peut continuer. Nous, on peut partir avant que la nuit tombe. Donc, nous, on continue. D'accord, on va. Mais il faut prendre les numéros des frères. C'est pas, eux, ils sont ici à Yaoundé. Nous ne sommes pas à Yaoundé. Donc, et vous prenez aussi son numéro. Vous vérifiez cela. N'oublie pas ton téléphone. Hein, comme ton frère, que tu pas ici. Tu as appris. Souvenez-vous que ce n'est pas moi qui ai prié pour vous, ce sont les frères-ci. Nous sommes d'accord, non? Donc, vous sentez bien, c'est eux. Souvenez-toi du nom du frère qui a bousculé ça. Donc, c'est vous, entre vous, ici à Yaoundé, je ne sais pas si c'est ça. Dès que vous avez fini, on continue, s'il vous plaît. On est toujours dans 1 Timothée, chapitre 4. Je vous donne le passage des Sophonie aujourd'hui, Joël. Ça va nous laisser, frère. On va s'en sortir aujourd'hui. Hein. C'est pour le contact. Là. Alors, le temps que notre ancien s'occupe de cette chose ancienne, on est au verset 15 de 1 Timothée. De 1 Timothée 4. Gardez-vous à l'esprit que même si on parvenait à arrêter, la prochaine chose à savoir c'est que exerce-toi à la piété et le secret. Même si fallait sortir, ça va être résumé dans ce premier volet dont on va parler. C'est exerce-toi à la piété. La vie de piété, c'est ça. Maintenant, pour que ça soit de cette façon-là, il va falloir mesurer vraiment l'état du cœur pour voir comment on doit avancer devant le Seigneur. Si on en avance, c'est-à-dire les motivations du cœur doivent nous regarder, pousser à regarder, il faut que je regarde le pourquoi et comment il marche devant le Seigneur. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4. Verset 15 maintenant. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Vous y êtes? À elle. Donc voilà les choses. Quand quelqu'un ici, on lui dit qu'il se donne tout entier à ces choses-là, ça se pose que tout son être, tout ce qu'il a de vouloir faire doit concourir dans cette direction-ci, n'est-ce pas? Il dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, on doit devoir voir que tu as progressé. Vous remarquez très attentivement qu'en réalité, si vous dites vous dirigez et que chaque fois vous êtes stagnant, vous êtes comme un lac. Vous voyez la différence entre le lac avec l'eau. Le lac, la chose est toujours contenue, la maladie peut contenir la maladie. Alors que l'eau qui circule produit la bénédiction tout autour de l'en continuant. Il faut véritablement progresser. Progresser. Chez Dieu, il n'y a pas de position stagnante. On progresse. Tout dans la nature, dans la création, progresse. Quand on met n'importe quelle semence sur le sol, ça ne demande pas l'état des semences. Ça progresse jusqu'à maturité. Le but, c'est de grandir. Quand il y a un enfant qui est dans le ventre, il sort, c'est pour grandir. Vous voyez, c'est dans l'esprit. On ne doit pas dégraisser. Quand vous dégraissez, vous devenez la chenille. Vous devez quitter un état à un autre. Alors, ici, il dit. Veille sur toi-même, enfin d'abord il dit que donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Puis il dit veille sur toi-même, souligner veille sur toi-même. Donc maintenant, ça veut dire quoi maintenant? Veille sur toi-même, ça veut dire je vais prendre garde à ma propre vie. Je prends garde à ma propre vie. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et sur ton enseignement. Donc, ça veut dire que tu dois vérifier que l'enseignement que tu as dispensé, c'est le vrai. Comment donc vérifier si tu ne t'appliques pas la parole? Parce que tu peux écouter une prédication, tu ne peux pas prêcher ça, alors que ce n'est pas ça. Quelque chose peut être juste, tu peux entendre des choses dans l'oreille. Il y a des prédications, s'il y avait la lumière, il vous met une prédication, il vous laisse écouter 30 minutes. Il dit, décidez-moi les fautes là-bas. Vous écoutez, vous êtes comme une prison, ça s'aligne avec les saintes écritures. Et puis, vous remarquez, tout à l'heure, il commence à montrer que regardez la parole. Or, c'est pour ça que vous pouvez voir, vous dites, comment les gens se sont envoûtés, c'est pas l'envoûtement, c'est parce que les gens sont négligés des écritures. Si vous appliquez à l'écriture, quelqu'un dit n'importe quoi contre l'écriture, vous saurez que c'est pas cela. Je reconnais qu'il y a des choses curieuses là-bas à l'intérieur où on peut dire, tu entends, tu crois que c'est un sorcier qui vient de parler. Mais il y a des éléments essentiels que vous pouvez déceler à partir des enseignements. Que ici c'est faux, ici c'est pas bon, ici c'est pas bon. Vous comprenez cela, hein? Supposons que je vous dis par exemple que si je ne fais pas ce que Dieu m'a envoyé sur la terre faire, Dieu va m'enlever de la terre et envoyer quelqu'un d'autre à la place. Vous pensez que c'est biblique ça? Alors maintenant, regarde. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Il dit, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Maintenant, prenons le contrôle de ces versets-ci. Si je ne vais pas sur moi-même, sur mes enseignements, si je suis négligent, ça va envoyer quoi sur les gens? Parce que là, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en le faisant, tu feras quoi? Tu feras quoi? Tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'aiment. Donc l'enseignement ouvre effectivement comment Dieu a mis les choses. De telle façon que par l'enseignement, vous pouvez garder les gens. Par l'enseignement, vous pouvez garder les gens. Quelqu'un vient aujourd'hui, il enseigne par exemple que Christ est né à Yaoundé. Vous croyez ça, hein? Mm-hmm. Mais il y a des gens qui croient. Quelqu'un vient aujourd'hui, il enseigne que Christ a fait son temps. Chaque prophète en son temps, il est le Dieu, il est le prophète messager de ces temps-ci. Vous ne croyez pas en lui, vous avez la vie, vous n'avez pas la vie éternelle, même si vous avez la Bible. Vous croyez ça? Non. Mais il y a des gens qui le croient. Vous pensez quel est le problème maintenant? Ouais, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en le faisant, c'est-à-dire en veillant sur toi-même et sur ton enseignement, tu pourras te sauver toi-même. Parce que la Bible déclare que les enseignants seront plus jugés plus sévèrement. Sévèrement. Parce que par ton enseignement, tu peux induire quelqu'un en erreur. Si je dis quelque chose qui n'est pas vrai dans la Bible, fais-le mériter de repentir. Si ce n'est pas le cas, ferait mieux d'arrêter. Alors, ça veut dire qu'avant qu'il n'aille à la Bible pour sortir, là, ouvrir la soupape comme ça pour balancer n'importe quoi dehors, il faut donc vérifier que c'est conforme à la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Même si c'est ça, bon, même si les gens sont venus parler ça dans tous les endroits, fais attention. Pourtant, la Bible, parce qu'on a commencé à parler que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs doctrines de séduction vont venir, plusieurs doctrines de démons, pas vrai? Amen. Ce sont les démons qui vont inspirer. Les démons vont inspirer. Donc, si vous ne veillez pas dans les enseignements, vous ne vous y appliquez pas pour se regarder ce qui est de la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est-à-dire que c'est ce qui vient de la respiration du gnosis de Dieu. La parole venant de Dieu. Vous allez vous déchoir. On se comprend, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Chapitre 5 maintenant. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Souvenons-nous que la personne à qui il a de parler, c'est un jeune. Parce que vous allez rencontrer des vieillards. Et exhorte les jeunes gens comme des frères. Je veux que vous me lisez le verset 2. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Pourquoi en toute pureté? C'est la deuxième fois qu'on rencontre ce mot similaire. N'est-ce pas? On a dit au plus haut qu'il fallait être quoi? Un modèle dans la conduite, dans la foi, dans la charité, dans la pureté. N'est-ce pas? Alors, dis-nous. Alors, pourquoi dire en toute pureté? Le sexe opposé maintenant. Parce que? Le sexe opposé. Le sexe opposé. Mais pourtant, pourquoi aux jeunes, aux femmes âgées n'ont pas dit cela? Regardez bien le verset 2. Il y a deux catégories de personnes là-bas qui disent cela. C'est-à-dire qu'il parle des femmes âgées, puis des jeunes sœurs, pas vrai? Et c'est aux jeunes sœurs. Quand il dit quand il s'agit des jeunes sœurs, il dit qu'en toute pureté. Pourquoi? Je m'adresse à vous parce que vous êtes des dirigeants. Selon vous, pourquoi? Ou mieux encore, il allait le dire quoi concrètement? Donc, aucune des questions qu'il pose, vous ne connaissez pas, frère. Oui, on n'a jamais lu la Bible. Oui, mon cher. Oui, par rapport à Timothée, il est jeune. Les jeunes filles tournent autour de lui pour la sanctification, c'est la vie. Si les filles elles sont impures ou elles s'habillent mal, ça va contaminer et ça va apporter la souillure, de la débauche, et l'enseignement sera dilué. Alors, s'il laisse toutes ces choses et il ne veille pas, il y aura de la souillure, il y aura de l'impudicité, il y aura tout un désordre. Et en ce moment, non seulement il n'a pas veillé sur lui-même, il n'a pas veillé aussi sur son enseignement. Et ça va créer créer un désordre dans l'assemblée. Mmh. Oui, et lui-même il va s'égarer, en fait, il sera perdu, ou il va s'éloigner de la parole pour des instructions reçues par le frère, par la protocole. Mmh. Oui, il va s'éloigner sans se rendre compte qu'il s'éloigne, mmh, parce qu'il n'a pas veillé. Mmh. Donc Dieu s'attend à ce qu'il gère les jeunes femmes comment? Mmh. Parce qu'ici, il dit. Les femmes âgées, parce que comme on a dit, ne réprimandent pas les ne réprimandent pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, et exhorte les jeunes gens comme des frères. Mm-hmm. Au niveau des exhortations, les femmes, parce qu'on parle d'exhorte les jeunes femmes, les vieillards, exhorte les femmes, les jeunes gens. Et c'est donc il parle de l'exhortation, encourage dans le processus d'encouragement des uns et des autres. Pour les vieillards, ne le fais pas comme rudement. Mm-hmm. Pour les jeunes gens, comme des frères. Pour les femmes âgées, c'est là où nous nous trouvons, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs. Il ajoute en toute pureté. Parce que s'il n'y a pas la pureté, pureté comment? La sanctification. Oui. Oui, s'il n'y a pas la sanctification, mmh, au milieu de l'assemblée, mmh, chez les jeunes sœurs, mmh, ça va entraîner la débauche, la mmh, publicité. Lui qui doit exhorter, qu'est-ce qu'on a de lui dire ici par rapport à cela? Toute pureté, ça veut dire qu'il doit être pur. Oui, frère. On est en train de lui dire de faire attention, oui, à ces jeunes sœurs-là, voilà, parce qu'elles peuvent l'amener à tomber. Exactement. Mmh. Vous avez suivi ça? Mmh. Donc, ça veut dire que votre contact avec le sexe opposé, parce que moi, jeune sœur, vous devez mettre des limites. Mmh. Vous devez tracer des limites, des frontières que vous ne devez pas accueillir. Vous entendez, vous êtes le 22 et 23 au téléphone avec le jeune sœur, vous parlez, vous savez où ça va vous entraîner. Vous comprenez, frère? Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, il dit, on va aller au verset verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ce verset se met de la différence entre la prédication et l'enseignement. N'est-ce pas, frère? Mm-hmm. Dans ce verset, on fait différent entre ce qu'on appelle la prédication et l'enseignement sont différents. C'est différent. L'exhortation, c'est une chose. La prédication, c'est une autre chose. L'enseignement, c'est une autre chose. Alors, il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Frère, vous pouvez savoir donc à quoi on est appelé. C'est le meilleur du travail qui puisse être. Amen. C'est le meilleur du travail qui puisse être. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication. Quoi que dans la première partie, je vous avais donné Hébreux chapitre 13. Dans le verset 17, nous pouvons noter le verset 17. D'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Verset 18. Car l'Écriture dit, tu ne mesureras point le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Verset 19. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Que les accusations ne viennent pas, on te dit que telle affaire comme ça, que ce soit une seule personne, et que tu reçois ça, tu prends ça en considération. Donc, si une personne dit une chose d'un frère, une personne dit une autre chose que le frère s'est fait comme ça, donc deux fois ça se passe déjà, deux ou trois, il faut donc que ce problème se résolve. Il dit, ceux qui pêchent, entourez ceux ici, dans le verset 20. Je ne sais pas si dans ta version c'est écrit, c'est ceux qui est là-bas, mon cher. Oui. Voilà. Ceux qui pêchent. Vous voyez. Donc, on parle de ceux des anciens ici, n'est-ce pas? Parce que dans ce contexte, il est question des anciens. Le verset 20 dit, ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Ceux qui pêchent, donc les anciens, ceux des anciens qui pêchent, reprends-les devant tous. Pas devant toute l'assemblée, devant tous les autres anciens. Ah, il dit afin que les autres aussi éprouvent de la. Que les autres anciens aussi sachent que non, s'ils font la même chose, on va les exposer de la même façon. Vous voyez? Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. C'est-à-dire que si celui-ci fait ça, je le prends de côté et fais comme ça. Pour l'autre encore faire, je l'expose. Ça doit être une même règle pour tout le monde. Je veux que vous sachiez que la Bible, ça donne l'ordre à tout le monde de la même façon. Il n'y a pas d'endroit où Dieu va me permettre de pécher. Un autre dit que non, c'est toi, tu ne dois pécher parce qu'il te tolère. On se comprend, n'est-ce pas? Donc, on doit utiliser la même règle pour tout le monde. Puis il dit, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi-même pur. Soulignez ça. Toi-même, conserve-toi pur. Ça rejoint encore ce qu'on a vu là-bas au chapitre 4, le verset 15 là-bas, que tu dois veiller sur toi-même. Chacun doit veiller sur lui-même. C'est de notre responsabilité. Dans 1 Jean chapitre 5, la Bible déclare que nous sommes de Dieu et le monde a accès sur la puissance du malin. Il dit celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Vous avez des précautions à prendre, des choses que vous devez prendre, des limites, des bornes, des disciplines que vous devez mettre. On continue. Les péchés de certains, je crois que j'ai pas sauté là. Voilà le 23 de péché, ce que les gens aiment là. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Donc, quelqu'un a mal de son mal. Parmi vous les enseignants, il y a personne qui a le mal de son mal, non? Non, ça dit que c'est le vin, ça ne vous concerne pas. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Donc, où est le discernement dans les affaires? Oui, mon chef. Oui, sur le verset 23, là, oui. Vous avez quand même arrêté. Oui. Poser la question, est-ce que parmi les anciens, quelqu'un a un mal d'estomac? Oui. Est-ce que ceci voudrait dire que si un ancien a un mal d'estomac, oui, alors... Mais c'est ce qu'on a dit là-bas. Okay. Puisqu'on a dit ici en rôle que si tu le juges, si je veux juger, il faut faire comme ça. C'est ça les recommandations aux anciens. Il a dit que si tu ne continues pas à ne boire que de l'eau, mais fais un usage d'un peu de vin. C'est ce qu'il dit. Mais la condition, c'est qu'il faut au préalable que tu ne fais que boire que de l'eau d'abord. Oui. Voilà. Là, on continue. Chapitre 6. Ce n'est que décider le départ, tu buvais la bière. Ça ne te concerne pas. Le verset ne te concerne pas. Mm-hmm. Verset 6. Chapitre 6. Que ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui sont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont des frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Voici les enseignements chrétiens ici. Dans tout ce grosso modo, on appelle ça la sainte doctrine. Ça veut dire qu'on doit enseigner les gens à vivre dans la justice. Dans le livre de Michée, chapitre 6, le verset 8, la Bible déclare qu'on t'a fait connaître au homme comment ce que Dieu attend de toi. C'est d'être donné à l'homme. Que tu marches selon la justice, dans la droiture, et que tu marches humblement devant ton Dieu. Tu crains Dieu, tu marches droit dedans sans le péché. Alors ici, il dit, enseigne ces choses. En haut, il dit quoi? Que ceux qui sont sous le coup de la servitude. Donc, ça, c'est le cas des chrétiens, le cas des croyants qui travaillent chez le mondain. Il dit que même si vous êtes sous le coup de la servitude, vous devez les servir droitement. Maintenant, on prend l'autre cas où c'est quelqu'un qui travaille sous un chrétien. Il dit, ne profitez pas en disant que non, comme c'est un chrétien, je vais faire n'importe quoi. C'est-à-dire, il dit, c'est plus dur. La rigueur doit être encore de mise. Alors, tu dois mieux le servir comme si c'est le Seigneur lui-même que tu as de le servir. Ouais, c'est ce que nous, les chrétiens, faisons aujourd'hui. Vous entendez quelqu'un dire qu'il a employé un frère. Il avait un poste d'emploi, il a mis un frère dans le frère là-dessus. Pas vrai? C'est ce que nous entendons au milieu chrétien. En fait, ceci, c'est à cause du fait qu'on n'enseigne pas ça aux gens. On croit peut-être que comme on est frère, si vous êtes frère, ça c'est une chose. Si vous entrez dans un poste de travail pour travailler, c'est une autre chose. Vous devrez représenter le Seigneur là-bas. La Bible déclare, enseigne ces choses et recommande-les. Donc, ça veut dire que si un frère est employé chez un non-chrétien, la Bible déclare en haut que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur. Vous avez vu cela? Il dit, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Quand tu vas travailler comme ça, tu travailles mal. Ils ne vont pas te regarder que tu ne travailles pas mal. Il dit, tu m'as dit l'autre jour, vous partez à l'église, non? Oui. C'est comme ça qu'on vous enseigne là-bas. Oui. C'est comme ça que les gens appellent le nom de Dieu pour faire des choses. Vous voyez comment la doctrine est blasphémée. On va dire, c'est comme ça qu'on enseigne, alors que ce n'est pas l'enseignement biblique ça. C'est pas ce que la Bible enseigne. Si les gens vivaient l'enseignement biblique, c'est que tout le monde souhaiterait être chrétien. C'est justement parce que les gens prennent le nom de Dieu, on fait des choses, de telle sorte que ceux qui conduisent souvent font des choses au point où quand les gens voient cela, ils ne veulent même pas servir le Seigneur. Alors, ça veut dire que vous devrez être les modèles. Si vous êtes dans un lieu de travail, ce que vous avez à faire, faites-le bien. Quand on fait le bon, comment il y aura les moqueries, il y aura ceci. Mais quand ils vont savoir de ton travail, remarquez Daniel dans la Bible. Daniel qui était chez Nebuchadnezzar, là-bas, il faisait. La Bible déclare que même les ennemis de Daniel, ils ont cherché des choses là où il y a la faille dans son travail. Ils ont cherché là où il y a la faille. La Bible déclare qu'ils n'en trouveront point. Ils se sont dit qu'on ne peut pas trouver quelque chose contre ce Daniel. Supposons qu'il était absentéiste au travail. Je veux que vous me dites. Il veut dire que ne vous connaissez pas. Tu peux le type si, mais il vient trois fois par semaine. Ce n'est pas une occasion de chute, ça. Hein, frère? Il prend les choses du bureau. On le voit, il utilise ça chez lui. Alors qu'on a dit que c'est pour tel, c'est service. Vous voyez ce que ça donne, n'est-ce pas? Ne faisons pas cela. Et la Bible déclare qu'on doit enseigner ces choses et les recommander. Pour que les gens sachent que voici comment on doit vivre. Ça, c'est l'intégrité. Si on te dit que ceci, c'est à ton service, à ton service, c'est pour tel but, il faut se servir à ce but-là. C'est ça l'intégrité. Alors, vous devez attacher ça à ce but. Vous voyez, les voitures de service, les gens ici, vous entendez que l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature, prévu par la représentation. Hein? On lui donne la voiture de l'État. Vous voyez, c'est accord administratif. Vous le voyez sur la route de ça, on est porté ses bananiers avec ça. Voilà la voiture de service au champ. Vous dites quoi? C'est la voiture de service au champ. Oui. En tout cas, donc, tout le pays, c'est juste moi seul dedans. Alors, si tes collègues disent par exemple que donc tu utilises seulement pour le service, moi je utilise ça pour faire tes choses. Quand je ne vais pas à la route, pour aller à la maison, mais je porte les gens les payent. Vous ne devrez pas faire comme ça, parce que vous êtes au-delà de cela. Votre maître est au-dessus. Il observe tout ce que vous faites. Maintenant, verset 2 dit, et que ceux qui ont des fidèles pour maître, vous avez fidèles ici, c'est fidèles dans le Seigneur. Des fidèles pour maître, c'est-à-dire que vous travaillez chez quelqu'un que la personne qui vous a employé est chrétien. Ne les méprise pas sous prétexte qu'ils sont des frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux. Vous avez vu? D'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Vous avez vu, mes frères? Voici donc la sainte doctrine. Voilà une partie de la sainte doctrine. La sainte doctrine règle les commandements, les comportements des gens sur la terre pour que les gens marchent dans la lumière. La sainte doctrine ne consiste pas à dire que nous sommes le Dieu. Nous avons sommes le Fils du Dieu très haut. On manifeste la gloire de Dieu sur la terre. On continue. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété, vous avez vu cela? Donc, on peut parler dans la piété sans sortir des doctrines. Vous allez d'abord à l'intérieur. Pendant que vous exercez la piété, vous allez sortir avec vous allez découvrir des choses inouïes. Et c'est ça qui va bénir les gens. Et disons, si quelqu'un enseigne dans les fausses doctrines sans s'attacher aux saintes paroles du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous de ceci. La personne qui écrit, c'est l'apôtre Paul. Et il n'a pas marché avec le Seigneur Jésus. Physiquement. Il n'a pas marché avec lui. Les gens à qui Jésus a appris ont marché avec lui près de 3 ans. Donc, et dans Matthieu chapitre 28, verset 16, c'est 11 personnes qui vont se le rencontrer sur la montagne. Au verset 19, donc, il dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant le Père, le Fils et Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est la parole de Christ qu'on doit enseigner. Pas n'importe. Souvenez-vous de ce qu'on a entouré la première partie, selon Dieu. On doit être selon Dieu. Donc, on n'a pas une invention à venir de nous croire pour qu'ils croient. Il n'y a pas quelque chose d'extérieur qui doit être ajouté à la vie des fois. Quelque chose, il n'y en a pas. Tout ce qui concerne le salut a été déjà donné. Nous devons seulement répercuter. Vous voyez cela? Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est ça qu'on doit enseigner. Il n'y a pas quelque chose qu'on doit enseigner hors de la Bible pour la foi des chrétiens. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Souvent, on me dit que mes frères, Seigneur, j'ai tout lu, il a tout pour être enseigné. Un jour, il sort un autre enseignement, moi, je me suis étonné. Toujours là-dedans. Un temps, souvent, je prends un enseignement, il me dit que je suis sûr que ça va tenir enseignement, il est sur la terre. Il dit qu'on a là, c'est sur telle chose, telle chose, telle chose, tout est là. Mais si c'est assez arrêté, si c'était fini, parce que c'est celui qui est infini qui a donné ça. Les gens sont passés, tant qu'il ne vient pas, ça ne finira pas la prédication, parce qu'aucune parole ne peut tomber à terre, c'est tant que ça ne s'est pas accompli. Et donc, on voit effectivement qu'on a des enseignements là-dedans. C'est un puits profond et quasiment infini. Donc il y a des eaux véritablement là-dedans qu'il faut puiser. Il faut savoir y puiser. Il faut y aller avec le cœur, aller avec la simplicité. On continue, frère. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes, des mots, d'où naissent d'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. Vous avez vu cela? Les hommes corrompus d'entendement. Continue, frère, continue. L'idée de la vérité. Privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Stop. Que la piété est une source de gain. Voilà que beaucoup de personnes sont à l'intérieur, pas vrai? Donc vous voyez effectivement qu'avant d'aller dans la piété, comme je dis tout à l'heure là, dans une partie, si la motivation de votre cœur, vous pensez que vous voulez servir Dieu pour avoir de l'argent sur la terre, que si c'est Dieu va me donner une voiture, va me donner une grande maison, et ce. Si c'est ça la motivation, ne partez pas. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11 qu'ils étaient errants sur la terre, ils n'avaient pas où dormir. Pas vrai? Il dit que la Bible déclare, même parlant même d'Abraham, qu'ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ayant reconnu qu'ils étaient des voyageurs et des étrangers sur la terre. Le standard du monde est différent du Seigneur. Tu as dit que croyant que dans leur pensée, ils pensent que venant servir Dieu comme ça là, en faisant toutes ces choses-là, c'est une source pour avoir de l'argent. En fait, les gens y croient. Comme on a dit que c'est quoi comme ça? Continuons. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ça, il prend, le Saint-Esprit prend à contre-pied les pensées j'ai repensées. Donc ça veut dire que la piété dans le contentement, c'est une grande source de gain. Parce que nous avons convenu que cette gain-là n'est pas une rémunération terrestre. C'est une grande gloire qui ne peut pas se mesurer sur la terre. S'il y a des mesures, des récompenses sur la terre, ici, il n'y en a pas là-bas. Continuons, frère. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. Voilà donc le principe du prédicateur. Voilà le principe donc du dirigeant. Nourriture, vêtements. Si Dieu nous donne ce que nous avons besoin, cela nous suffira. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 et dans Luc 12. Vous inquiétez quoi du lendemain? Les oiseaux du ciel, vous avez entendu cette parabole. Mais qu'est-ce que nous prêchons si nous ne comprenons pas l'implication? Il dit, en réalité, c'est quoi ça en bas là-bas? Il dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, ça nous suffira. Donc, si tu as ce que tu peux apporter et tu peux manger, point final. Voilà donc ce qu'on appelle le contentement. Continue le verset suivant. Mais ceux qui peuvent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Alors, entourés veulent. Le verset ne dit pas que ceux qui se livrent à la richesse. Le verset ne dit pas que ceux qui sont riches. Nous sommes d'accord, frère. On dit quoi? Ceux qui veulent, ça veut dire quoi? Qu'il a l'intention. Donc la motivation du cœur importe. Oui, effectivement, que plus tard tu tombes dans la publicité, plus tard. Ce n'est pas quand tu tombes là qu'il y a le problème. C'est depuis le début que tu avais quand c'était en gestation. C'est pour ça qu'il faut traiter. Dans Actes Apôtres chapitre 8, lorsque Paul, Pierre et Jean sont venus pour imposer les mains aux gens de la Samarie qui reçoivent le Saint-Esprit, la Bible déclare qu'il y a Simon le magicien qui avait cru. La Bible déclare que lorsqu'il vit que le baptême du Saint-Esprit était donné par imposition des mains, il lève cet approche des apôtres et dit que je me reste d'argent de magie là-bas. C'est donc ce qui me donne aussi le don là, pour que j'impose aussi à qui j'imposerai les mains là, qu'il aussi reçoit le Saint-Esprit. Vous voyez ce qu'il en est? Pierre s'est tourné vers lui et dit que périsse toi et toi. Et ton argent, parce que tu as cru que le don de Dieu était acquis au prix d'argent. Il dit, je vois que je suis dans les fiers. Amen. La cupidité n'était pas détachée de son cœur. La gloire du monde. Parce que quelqu'un qui exerce la magie, Satan fait le temps que quand vous dites, waouh, vous l'appréciez. C'est pas lui que vous appréciez en réalité. Il y a un démon qui se cache, qui lui fait cette précipitation-là. Et que les gens apprécient. C'est quand ils sont sur le podium là-bas. Quand ils se baissent, ils font waouh. Tous les gens qui sont là sont en adoration, en admiration devant lui. Vous voyez? Donc cette gloire-là, cette soif de la gloire était encore là. Il voulait comme ça le don chrétien cette fois-ci pour faire du bon du côté de Dieu. Pourquoi on l'apprécie toujours? Qu'il lui soit dans le Saint-Esprit, il peut imposer les mains de le Saint-Esprit. Mais il voulait acheter ça. Et s'il achète ça, il va vendre ça très cher. Le Saint-Esprit a dit, tu n'auras ni part ni lot dans cette affaire. Parce que tu as cru que le don de Dieu sacré a pris l'argent. Celui qui dit comme ça a abandonné son père, sa mère, ses effets au-là-bas pour suivre Jésus. Après, un farfelu dit qu'il te donne l'argent, tu me donnes ça. Ce n'est pas achetable. Il te conseille d'acheter des mois, de l'or éprouvé par le feu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, il dit que venez aux eaux, venez acheter sans argent. Frère, on achète quelque chose sans argent. Comment on peut acheter sans argent? Donc il y a un style de monnaie pour acheter. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dans Ésaïe chapitre 1, verset 17 à 20, il dit au verset 19 et 20, il dit, si vous avez de la bonne volonté, vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, tout simplement, la bonne volonté. Quand les dispositions sont là, on fonce vers le Seigneur, on le cherche jusqu'à ce qu'il se trouve. Il a dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, à une condition. Si vous me cherchez de tout vos cœurs. C'est ça, c'est une question. Après avoir entendu comme ça, il faut qu'on se mette à l'action. Il faut qu'on se mette à l'œuvre. Si on se met pas à l'œuvre, ça sera l'être monde, ça sera comme toute autre prédication. Ce que je suis en train de vous dire, nul ne m'a prêché ça. Ce que je suis en train de vous donner, nul ne m'a donné tous ces secrets. Je ne suis pas resté quelque part, quelqu'un a dit que voici comment les dirigeants doivent faire, voici comment ça va faire, voici comment on doit faire. Je l'ai juste découvert là-bas, par sa grâce. Je l'ai juste découvert là-bas tel que vous voyez. Parce que dans ma position, j'observe toujours que si je dois aller vers les gens parler, qu'est-ce que je dois savoir de ces gens, comment je dois me comporter, comment, qu'est-ce que je dois faire, et il m'a montré tout cela. C'est pas si vous comprenez, frère. Voilà. Ici, il dit, ceux qui veulent s'enrichir. Je veux que vous voyez effectivement qu'on n'a pas dit que si quelqu'un a la richesse, il va tomber dans le piège. Parce que les tourments qui vont venir plus tard, on montre une limite. Là où ça a commencé. On dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent. Or, ce n'est pas le jour que tu veux, que tu, quand tu fais le plan dans ta tête, que tu tombes. Non. Au fur et à mesure, quand tu vas avancer, les choses qui vont arriver, comme on a vu là-bas, tombent dans ta tête pour beaucoup d'autres tourments. Ouvrez un peu le livre des psaumes, voir. Non, prenons le proverbe rapidement, proverbe, comme ça aux environs, proverbe. Proverbe chapitre 23. Vous y êtes. Nous, on va lire le proverbe chapitre 23 et on va mettre ça en opposé. On va opposer ce qu'on va lire. Avec le chapitre 4. D'accord. Maintenant, Proverbe chapitre 23, frère, verset 5 et 6. Verset. Ou bien, prends 4, 5, 6. Allons-y. Okay. Ne te tourne pas pour t'enrichir. Hein, frère. Ne te tourmente pas. Oui. Pour t'enrichir. Ne te quoi? Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Oui. N'y applique pas ton intelligence. Vous avez entendu ça? Dans votre version, on dit n'y applique pas. Donc, frère, vous êtes là-bas. C'est une déjà là-bas. Oui. Oui, allons-y. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Voilà. Donc, tu as déjà les calculs que tu fais là-bas. N'y applique pas. Donc, vous voyez effectivement comment les gens passent le temps dans la chose. Maintenant, regardez dans les églises ce qu'on enseigne aujourd'hui. C'est les techniques justement pour s'enrichir. On va vous montrer les quatre piliers pour que vous fassiez. Si vous faites ces choses, vous appliquez ces principes, vous allez vous enrichir. Pendant que la Bible est en train d'enseigner le contraire. Et lui dit que quand on s'applique plutôt à la lecture, à la prédication, on s'applique là-bas. On s'applique pas. Quelqu'un vient enseigner, c'est un principe pour s'enrichir sur la terre. Et il va dire ça, qu'il va appeler ça de la Bible. Continuons, frère. Prenons encore verset 4. Verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Uh-huh. N'y applique pas ton intelligence. Uh-huh. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Vous avez entendu ça, frère? Vous avez entendu? Donc en réalité, remarquez bien, montre-moi quelqu'un qui est riche sur la terre et qui s'est arrêté. Une personne qui a dit que je suis riche, que okay, maintenant comme je suis riche, je m'arrête. Il y a quelqu'un, hein? Même ceux que vous appelez milliardaires, ceux qui ont le beaucoup pour ce problème. Et bien davantage, parce qu'on dit non, il est 13e du classement fort. Il est 13e. Non. Je vais montrer dans le que je suis, il peut le dépasser. Qu'est-ce qu'il a de faire, frère? Parce qu'il veut seulement que dans l'agenda, dans le diary, on mette son nom en tête. Quand on va le mettre en tête là, après il va s'arrêter. Mm-hmm. Il va falloir qu'il continue davantage pour qu'on ne vienne pas le rat. Frère, regarde là où les gens sont arrivés. Vous me regardez là où ils sont livrés. Maintenant, allons au chapitre 4 du Proverbe. Chapitre 4, cette fois-ci. Proverbe toujours, oui. Okay. Donc, nous avons le chapitre 23. Verset 4, 5 et 6. Et maintenant, allons au chapitre 4. Maintenant, à partir du verset 1. Et puis, on va sauter pour lui 18 à 23. 4, oui. Verset 1. Oui. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Oui. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Oui. On continue. Continue. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, « Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquière la sagesse, acquière l'intelligence, N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Vous entendez les conseils qu'on donne? Oui, continue, frère. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Elle, c'est qui? Mais pourquoi ici, frère? La parole. Continue. Et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Quoi? La parole. Mais les gens ont dit maintenant qu'ils vont prendre le gardien pour garder la maison. D'autres ont acheté, avec son argent, pour acheter le sang de Jésus. Et les prédicateurs ont le sang de Jésus, le sel des mers, le sang de Jésus, l'eau de Siloué. D'autres ont le caillou de Salomon. Ça, c'est au milieu de prédication aujourd'hui, pas vrai? Oui, avec l'huile d'onction. Avec l'huile d'onction. L'huile d'onction qui vient de Jérusalem. Donc, ça veut dire quand tu as des problèmes, tu achètes ça, tu fais le Dieu qui est derrière, résout le problème là. Donc, Dieu a tellement rendu les choses simples et faciles. Si tu n'as pas l'argent pour acheter l'huile, c'est ton problème. C'est quand même terrible, pas vrai? Et on fait comme ça, on met les versets de l'huile à côté. On met le nom, on dessine la croix de Jésus. Beaucoup de gens savent que c'est chrétien. Frère, c'est pas la sorcellerie. La sorcellerie. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça au milieu chrétien. Mais regardez ce que Dieu dit. Qu'est-ce qui va te protéger? Maintenant, les gens laissent la parole de côté. Ils vivent leur vie. Après, ils vont dans les églises. Ils achètent pour, donc, pour que le Dieu qui a cette Bible, ce qui a recommandé qu'on ne la néglige pas. On aime ça, que ça va nous protéger. Pour qu'il passe pendant par l'huile, parce qu'on a acheté chez lui. Vous pensez que c'est le Dieu de la Bible qui a inspiré ça? Malgré que quelqu'un vienne témoigner que non, j'ai fait ça, j'ai eu, avec le fibrome, c'est sorti, c'est pas le Dieu de la Bible qui fait ça. Continuons. Voici, verset 7. Oui. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Avec quoi, après? Tout ce que tu possèdes. Tout ce que tu possèdes. Il n'a pas dit, fais chercher à t'enrichir. Possède, c'est la sagesse. Oui, allons-y. Exalte-la et elle t'élèvera. Pour être élevé, il faut quoi, frère? Il faut exalter la parole, la sagesse. Continuons. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Oui. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle tornera d'un magnifique diadème. Vous entendez ce que ça peut faire? Maintenant, gardons le. Ouvrons maintenant le livre du prophète Daniel, chapitre 12. Dans la première partie, nous avons donné cela. Ne fermez pas ici, c'est pas fini. Ce que l'ange va dire à Daniel se trouve également dans Matthieu chapitre 10, dont je vous ai donné. Dans le livre de Matthieu chapitre 10, je vais vous donner le verset 1 au verset 43, je crois même. Il dit en première partie, vous avez noté tout ce que vous avez noté là-dedans. Peut-être vous en avez oublié depuis. Daniel chapitre 12, à partir du verset 1, allons-y, frère. Daniel 12, à partir du verset 1. J'espère que vous n'êtes pas fatigué, non? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ok, Daniel 12, à partir du verset 1. Mmh. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. Mmh. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés instruits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Stop. Donc vous voyez, tout à l'heure on a parlé d'un proverbe qu'en réalité le plus important que vous pouvez faire, n'importe quoi, faites tout pour retrouver ceci. Et regardez la récompense que tu utilises cela. Donc sur la terre, on peut vous négliger comme prédicateur. On dit, c'est un vanu pied, c'est ceci. Mais regardez ce qu'on a, ce qui, la récompense. La Bible déclare que ceux-là avaient les yeux fixés sur la rémunération. Regardez, ça c'est la finish, le finish. Le linge a dû lui expliquer ce qui va se passer à la terre, les récompenses. Il dit quoi? Ceux qui auront été intelligents, quoi, brilleront comme les étoiles du ciel. Et ceux qui auront donné des instructions. Continue. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Oui. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà la récompense dont les prédicateurs. Voilà l'une des choses quand vous voyez dans la Bible, ça m'encourage chaque fois à travailler. Même si quelqu'un dit n'importe quoi, ça ne change rien à ce qui est écrit là-devant. Je dois courir vers le but. Vous voyez? Ça nous dit que le simple fait d'avoir appréhendé la parole, ça te fait briller comme la splendeur du ciel. Ça, c'est comment Dieu voit. Maintenant, ceux qui ont appréhendé cette sagesse-là. Et de l'autre côté, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. dit qu'ils brilleront comme les étoiles du ciel à toujours et à perpétuité. Voilà donc la récompense des prédications. Donc vous voyez qu'il faut véritablement enseigner la voie de la justice aux gens. Il faut non seulement appréhender cela pour briller aussi comme la splendeur du ciel, mais aussi enseigner ça aux gens. C'est ce que le Seigneur dit dans Saint Jean, Matthieu 10, dont je vous ai donné. Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui vous donnera seulement ne sera qu'un verre d'eau parce que vous êtes mes disciples, ne perdra pas ça, ça récompense. Regardez ce qui attache à ce ministère, à cet appel-ci. Quand l'apôtre a vu cela, c'est pour ça que dans Luc d'Éphésiens, chapitre 1 et chapitre 3, il dit à cause de ça, il fléchit les genoux devant le Père, duquel il est son nom, toute la famille qui sont dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne de comprendre ce qui s'attache à l'appel et l'héritage qu'il réserve aux saints. Donc si on comprend, si on parvient à comprendre cela, tout sur la terre, c'est pas être vanité. Enfin, on va comprendre maintenant l'étymologie du mot vanité, véritablement, dans son sens dont il est en train de parler. C'est lorsqu'on n'a pas compris ces choses, on commence à regarder que non, quand on sait Dieu, il ne faut pas qu'on souffre. Il n'y a pas un verset comme ça. Avant la gloire, il y a la croix. Avant le couronnement, il y a la souffrance. C'est pas ça, frère? Voilà. Maintenant, revenons dans le livre des Proverbes, chapitre 4, le verset 23 maintenant. Mais c'est 20 à 23, 20 à 23 principalement. Chapitre 4 des Proverbes, à haute voix dans ces cas. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête d'oreille à mes discours, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Vous avez vu ça, frère? Vous avez lu le stockage, non? Mm-hmm. Nous ne sommes pas dans les clés USB. Mm-hmm. C'est pas dans la Bible sous le nez, sous l'oreille. Mm-hmm. C'est où, frère? Dans le cœur. Dans le cœur, pas seulement dans le cœur. Dans le fond. Parce que dans le fond, c'est là où il y a la bassine, le tronc. Vous savez, quand vous voulez creuser quelque chose, là où vous déposez, c'est là où il y a le socle. C'est-à-dire qu'à la base de notre cœur doit être la parole. La parole, tout ce qui va pousser tout autour doit être au-dessus de la parole. Pour que si n'importe quoi entre dans votre cœur, si ce n'est pas selon la parole qui a été enracinée à l'intérieur, que ça se renverse. Mais si la parole est plutôt superficiellement dans votre cœur, la Bible déclare que le diable va venir enlever. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Le diable va venir enlever. Vous allez trouver une occasion de chute pour n'importe quelle tribulation qui puisse arriver. Alors ici, il dit qu'il garde le fond de mon cœur. Maintenant, je pose la question. Au verset, en haut, il dit effectivement que prête attention. Prête attention, donc applique-toi. D'accord? Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas faire entrer la parole dans votre cœur si vous lisez ça de façon superficielle. Ça ne peut pas. Donc, il y a une qualité de temps à consacrer pour la parole. Il faut une discipline. Il faut que le temps, votre temps le plus précieux soit sur la parole. Mais là, regardons maintenant dans notre style de vie. Parce que vous ne pouvez pas faire ça sans observer le style de vie que vous menez. Il faut que le style de vie change. Parce que vous commencez à vous appliquer la parole, automatiquement, ça va bousculer tout le fonctionnement. Combien de jours passez-vous par semaine, ou mieux par jour, combien d'heures passez-vous par jour pour les choses de Dieu? Si vous regardez que c'est minime, ça veut dire que ça va changer. Et si ça change, si c'est minime, ça suppose que vous passez les autres temps par rapport aux choses qui ne concernent pas Dieu. Et par conséquent, sur le rapport des forces, c'est les choses de futilité, donc de vanité, dont nous passons plus. Il faut donc que les tendances changent. Et quand ça va changer, vous allez voir que le progrès va aller, évidemment. Donc, au fur et au préalable, que vous analysez effectivement les différentes choses, que nous faisons, les saisons de notre différentes régulations, des temps de notre journalier. Et donc, si ces temps-là sont bien regardés, et que vous voyez effectivement que je passe souvent 2 heures à voir la télévision, 2 heures à faire telle autre chose, vous voyez comment vous dissipez le temps de Dieu. Vous voyez les temps sur les futilités. N'est-ce pas si vous me suivez, frère? Amen. Alors, il faut maintenant rectifier l'outil en prenant chacune de ces minutes. Ne dites pas que, oh, maintenant, je ne fais plus ça. Non, non. Si je ne fais plus ça, consacre ce temps-là, justement. Parce qu'on a dit qu'il faut qu'on s'applique ici. Il faut qu'on s'applique ici. Et puis, quand vous allez dans la parole maintenant, Seigneur, puisse ta parole pénétrer en moi. Fais pénétrer ta parole au fond de mon cœur. David a dit, je sais ta parole dans mon cœur de peur de pécher contre toi. Alors, continue jusqu'au verset 21. Allons-y jusqu'au verset 20. Continue. Garde-les dans le fond de ton cœur. Oui. Verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Donc, vous voyez effectivement que ce n'est pas accessible à n'importe qui. Il dit c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et la santé pour? La santé pour tout leur corps. Pour tout leur corps. C'est la promesse donc, de l'exercice de la piété. Voilà ça dans l'Ancien Testament. C'est la santé. On n'a pas dit la santé pour tout le corps, c'est de prendre la levera. C'est pas ça. Ici, on parle de la parole. Quand la parole entre en vous, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, l'esprit qui a ressuscité jusque d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous avez vu cela? Donc, alors, la source dont l'on va jaillir, comme le Seigneur l'a dit, depuis notre sein, jaillit jusque dans l'éternité. Si la parole entre en vous, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous devez, quand vous allez comprendre que vous êtes prisonnier d'elle, vous êtes lié, vous ne pouvez pas vous séparer de cela. À cet instant-là, vous ne pouvez plus faire autrement que de travailler dans la parole. Si ça pénètre jusqu'à ça tombe à l'intérieur, bam, à l'intérieur là, bien, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous allez, comme Jérémie, vous allez savoir que c'est le feu à l'intérieur. Vous fermez la Bible, c'est le feu. Vous êtes obligé d'aller là-dedans. Continue, mon cher. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Stop. Il a dit le compte bancaire. Il a dit le code secret pour le Orange Money. Il a dit le code des cartes bancaires. Quand tu veux mettre le code bancaire, tu caches comme ça pour que quelqu'un ne vérifie pas. Que quelqu'un ne voit pas, n'est-ce pas? Il dit, voici, c'est comme ça que tu vas vérifier plus que toute autre chose. Donc, tu peux négliger ton code bancaire avec ton code, mais le code d'entrée de ton cœur, on ne peut pas négliger. Alors maintenant, c'est vrai que sur le rapport de force, je dois veiller maintenant sur ce que j'écoute. Veiller sur ce que je laisse entrer en moi. Veiller la façon dont je parle avec les gens. Parce qu'on a dit que je sois un modèle en parole, en conduite, en foi, en charité, en pureté. Vous avez vu les choses qu'on a citées? Chacune de ces choses, je dois vérifier. Puis on me donne encore l'ordre. Veille sur toi-même. Je dois veiller sur moi-même, sur mes enseignements. Veille sur moi-même. Je dois prendre garde. Parce que le monde m'observe. Si je fais mal, la doctrine sera calomniée à cause de moi. Donc il faut que je fasse exactement ce que la Bible a déclaré. Vous voyez que le ministère des anciens, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Même si vous avez fait l'erreur, corrigez. L'erreur est faite pour être corrigée. On ne fait pas l'erreur pour demeurer dans l'erreur. D'accord, frère? Voilà. C'est le ministère de la perfection ici. C'est le ministère de la perfection. Pas un parfait ministère, le ministère de la perfection. Parce que cette autorité est donnée pour le perfectionnement des saints. Pour perfectionner le saint. Vous voyez, là, on a des problèmes. Alors, si ces conditions ne peuvent pas remplacer, on ne peut pas résoudre, ou remplir ces conditions, il n'y a qu'une seule chose à faire. Si je ne suis pas un ancien, vous déposez la Bible tranquillement, vous lisez la Bible, vous êtes simple créé chrétien. Vous allez au travail, vous rentrez tranquillement, vous ne dérangez personne, mais vous laissez quand même Satan vous déranger. C'est parce que voilà les conditions. Il y en a 19 là, les conditions acquises pour être ancien. Quand on va finir, on va revenir sur ça dans la deuxième partie. Les conditions. Et vous, il faut que chacun rentre à l'issue de cela. Vous vérifiez véritablement si ça ne vous concerne. Si ça ne vous concerne pas, fermez la Bible. Vous dites que je dépose la casquette là. Que je dépose la casquette, parce que si Dieu ne vous a pas appelé là-bas, vous y allez à l'intérieur. Et si quelqu'un aspire à un chef d'évêque, il désire, il peut avoir le désir, il peut avoir le désir, mais sans remplir les conditions. Il faut donc, vous voyez ce qu'il dit. Quand Paul a reçu le Seigneur, que le Seigneur lui dit, voici les conditions pour être ancien, il dit, ok, il cherche à être ancien de l'église. Je ne vous la parapluie pour que vous compreniez comment la révélation est venue. Eux, ils cherchent à être ancien de l'église. Dis-leur que voici les conditions des anciens pour être glorifié. C'est ça notre équilibre. Ok, vous espérez être ancien, vous faites bien. Vous espérez être évêque, vous faites bien. Il faut donc que l'évêque, voici dans les conditions de l'évêque, c'est une charge excellente, c'est bien. Bon, voici dans les conditions de l'évêque. Ces conditions, vous ne pouvez pas bouger. D'accord, frère? Vous êtes fatigué? Non, frère. Il faut donc que l'évêque, je crois que c'est mieux, donc, on est au temps libre. Chapitre 3 de 1, ok. Que Dieu vous bénisse, mes frères, que Dieu vous bénisse. Merci de m'accueillir ici à Yaoundé. Merci pour tout ce que vous avez permis que le Seigneur fasse au travers de vous. 1 Timothée 3. Chaque fois qu'on va lire une condition, vous soulignez, vous notez le nombre. 1, 2, jusqu'à ce qu'on en finisse. Donc, de façon directe, je veux que vous voyez, de façon directe, voici les conditions qui les concernent. Pour les autres choses qu'on peut prendre tout autour, là, vous pouvez avancer, mais vous trouvez peut-être une soixantaine de conditions. Mais de façon directe, il y a 19 conditions qu'on les demande. Qu'ils doivent respecter. Alors, si vous ne respectez pas, c'est pas que toutes ces conditions doivent être accomplies. C'est pas ça dont il est question. Regardez bien. Si par exemple, on vous dit, pour être président de la République du Cameroun, il faut avoir un parti politique, être représenté, comme on le dit, ou bien encore être enrôlé, avoir 500 signatures dans chacune des 10 régions. Pas vrai? Maintenant, si vous ne respectez pas la condition, on dit que avoir 35 ans révolu à la date de l'élection présidentielle, n'est-ce pas, frère? Si vous respectez toutes les autres conditions, vous avez le parti politique et vous avez 34 ans, 11 mois, vous faites quoi? Vous échouez. Donc, quand tu envoies tes dossiers là-bas, la commission qui juge pour savoir si oui ou non les gens sont éligibles, les gens qui vont parcourir la condition, quoi, l'élection présidentielle, on va faire quoi de ton dossier? Pourquoi? conditions d'âge normal. Donc, ça veut dire que si, voici les conditions. Quand on fait le concours, on dit que être âgé de ceci, avoir le casier judiciaire d'une maladie. Et si le docteur en tête de cela dit que celui-ci n'est pas apte, il ne peut pas rester debout pour longtemps. Tu joins dans ton dossier. On va faire quoi de ton dossier? Tu es rejeté malgré que tu aies respecté la condition, tu as l'âge, malgré que tu aies le baccalauréat, malgré que tu parles, frère. Allons-y. À partir de verset 1, disons, chapitre 3 de 1 Timothée. Donc, quand il lit, s'il lit une condition, nous tous en savons compte, d'accord? Allons-y, frère. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Un. Mari d'une seule femme. Deux. Sobre. Trois. Modéré. Quatre. Réglé dans sa conduite. Cinq. Vous ne voulez pas lire, hein? Vous voulez fuir. Vous êtes les anciens, non? Cinq. Vous n'avez pas les conditions? Non, frère. Ok. Hospitalier. Six. Propre à l'enseignement. Sept. Bon, propre à l'enseignement, ça veut dire quoi propre? Ça veut dire que vous portez la Bible bien, bien. Non, c'est une doctrine. C'est une doctrine. Continuons. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, sept. Ni violent, mais indulgent, neuf. Pacifique, dix. Désintéressé. Vous avez le mot, n'est-ce pas? Mm-hmm. Désintéressé. Oui. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Dix. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Yes. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Yes. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Vous avez entendu, ça fait combien? Allons-y. Titre chapitre 1. Titre chapitre 1, verset 5 et suivant. Titre chapitre 1. Souvenez-vous. Les conditions que vous avez là rencontrées ici, vous ne les comptez plus, ça ajoute seulement. D'accord? Verset 5 et suivant, frère. Ok. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Mmh. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Vous avez entendu? Mm-hmm. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Soit on a vu ça quelque part, non? Mm-hmm. Mm-hmm. Comme économe de Dieu. Oui. Qu'il ne soit ni arrogant. Vous avez vu ça? Ni colérique. Vous avez vu? Ni adonné au vin. Oui. Ni violent. Ni porté à un gain honteux. Hein, mon père? Oui, désolé. Déshonnête, oui. Honteux, je t'en prie. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, oui. Modéré, juste, sain, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Amen. Donc vous voyez que tout ce qu'on a fait tout au long aujourd'hui, c'était pour construire ces caractères, ces caractéristiques. Voilà. Maintenant, vous avez vu les conditions pour être ancien, n'est-ce pas? Donc chacun d'eux rentre avec ses conditions, avec les deux passages principalement les deux passages sur l'ancienat. Il rentre et il dit, je respecte cette condition. Si c'est non, déposez le tablier. Si c'est oui, vous avez une responsabilité. Ça veut dire que vous avez une lourde charge. Responsabilité. Regardez, il dit afin de pour pouvoir réfuter le contradicteur, vous avez intérêt à assimiler les saintes doctrines. Donc il faut que vous-même vous sachiez ce que c'est que la sainte doctrine. Vous ne pouvez pas enseigner une chose aussi, enseigner autre chose qui soit contraire à la parole de Dieu. Vous devez vérifier ce qui est écrit dans la Bible. Et vous êtes responsable si vous enseignez quelque chose, vous dites que c'est moi qui enseigne, que je n'ai pas enseigné ça. Vous êtes responsable vous-même. Vous êtes responsable. N'allez pas dire que c'est moi qui avais dit. Si je n'ai pas dit quelque chose, vous allez dire que j'ai dit cela. Je vous condamnerai devant le Seigneur. Alors donc, vous avez la responsabilité de savoir maintenant si oui ou non vous êtes éligible. quand chacun prend le dossier de concours, il regarde d'abord si il respecte les critères avant de s'aventurer. Alors, il faut donc vérifier vous-même. Si vous dites que non, je suis moi simple chrétien. Que ma part, c'est de vivre une vie chrétienne comme cela. Que Dieu me fasse grâce. Parce que ici, c'est une charge où on conduit les âmes. En fait, si ça ne va pas, tu prends ta propre maison. Tu dis qu'on va se notre propre église. On va faire tout pour servir Dieu ici. Comme Jésus a dit que moi et ma maison nous serviront l'éternel. Parce que si tu ne veux pas que ça gaffe chez toi, alors que tu peux aussi gaffer d'autres personnes. Laisse-toi que la punition soit seulement à ton niveau. Je ne sais pas si vous me suivez. Mm-hmm. Vous savez, mon frère, finissons dans le livre des Proverbes où nous avons commencé aujourd'hui. Proverbes chapitre 4, là, c'était pas fini. Ah, tu vas encore fermer, frère. Proverbes chapitre 4, c'était là, non? Oui. Allons-y. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De la vie. Oh, souvenez-vous qu'en haut, on a dit d'abord que les choses entrent, que la parole entre où? Dans le fond du cœur. Parce que quand ça entre dans le fond du cœur, ça va commencer à produire donc le fruit. C'est pour ça qu'il dit chaque fois que si la parole entre en vous, ça va commencer à vous mouler automatiquement. Car de lui vient la source de la vie. Voici pourquoi Satan s'attelle à ce que même depuis l'enfance, les mauvaises choses soient enseignées aux enfants. Il a gâté la société partout, à tous les niveaux. Parce qu'il sait effectivement que si tout le monde a la parole dans son cœur, il va quitter le royaume rapidement. Alors qu'est-ce qu'il faut? Depuis la maternelle, comme je dis dans les enseignements ici, là, il met le quelqu'un pour distraire les gens. La distraction, c'est partout. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez effectivement dans la distraction. Et Satan te laisse tranquille. Tu laisses là-bas, ça t'endort. Avant de te réveiller, que c'est trop tard. Il est temps maintenant qu'on se réveille. D'accord, frère? Amen. On met une pause et on revient. Que Dieu vous bénisse. Amen. Peut-être es-tu dans la solitude. Peut-être es-tu méprisé, délaissé par ce que tu es. Peut-être caches-tu une souffrance intense et profonde. Peut-être es-tu à deux doigts de tout abandonner. La Bible dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut parvenir au royaume des cieux. Le chemin que nous avons choisi est étroit et resserré. Mais dans toutes ces difficultés, notre Seigneur nous a fait une merveilleuse promesse. Il nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Sache que même si tu as l'impression d'être seul, il est là à tes côtés. En lui, tu trouves l'ami fidèle, le confident, la force dont tu as besoin pour continuer ta route. Fais-lui confiance, accroche-toi à lui et tu ne le regretteras jamais. Accroche-toi, accroche-toi. Mes frères et Yaoundé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On peut continuer maintenant dans l'autre partie, le deuxième volet. Deuxième volet, je vais être bref. Je vais résumer le premier volet. Le premier volet consiste à regarder en face et à mesurer le prix qu'on a à faire pour pouvoir servir le Seigneur. En clair, regarder si on est éligible, qualifié pour le servir. Et les façons dont Dieu attend de ces personnes qui sont qualifiées à conduire le troupeau du Seigneur. Et par conséquent, exerce-toi à la piété. Et tout nous tout, c'est l'épicentre de toutes ces choses. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? Oui. C'est le résumé de ce que nous avons vu. Le deuxième volet maintenant consiste à savoir maintenant ce qui nous attend. Maintenant, frère, tu as froid? Hein? Oui. Vous êtes ici, Yaoundé, ici, mais je ne comprends pas. Même le frère m'a porté, mais tu vas aller chercher les blousons. Qui d'autre a froid, je veux dire? N'est-ce pas, vous pouvez parler la parole, vous avez froid comment alors? Ok. Bonjour. Donc, oui. Le deuxième volet maintenant consiste à savoir quelle est la dispensation dans laquelle nous vivons. Quel est le programme de Dieu. C'est quand même terrible qu'on soit comme ça. Remarquez, quand une femme est enceinte, elle contrôle. Vous êtes, tu as quel mois? 7 mois? Tu as quel mois? 8 mois? Tu as quel mois? 9 mois? Elle commence à se préparer. La femme commence à préparer les couches en allant parce qu'à tout moment, ça peut arriver. Mais nous sommes les croyants, les chrétiens. Dieu a un programme, il fonctionne avec un programme. L'église a un cheminement. Il est en train de nous entraîner quelque part. Alors maintenant, à cette étape, nous nous trouvons ici maintenant à Yaoundé. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous ici, au Cameroun? C'est pas ce que tu veux. Qu'est-ce qui se prépare devant nous? Regardez comment l'église est morte, morte partout. Il ne parle pas de réveiller, qu'on fait du bruit. Vous savez, on a déjà balayé ça, non? Et donc, ça veut dire que maintenant, nous devons savoir qu'est-ce qui est la prochaine étape que nous avons dans le plan du Seigneur. Qu'est-ce qui nous attend? Vous avez entendu quand le tonnerre est passé, quand la pluie est tombée, vous entendez le signe de gonflement là-bas, mais qu'il n'y a rien comme signe en haut. La pluie ne tombe pas, mais vous entendez le tonnerre passer, la tornade passer en haut. Le grondement. Ça se gronde en haut là-bas. Quand on se prépare sur la terre parce que quelque chose sur le point de se passer. Il y a un déversement de puissance du Saint-Esprit qui va secouer la terre, qui va secouer l'église, qui va secouer le pays, le Cameroun. Alors maintenant, quelle est donc la conséquence, ou mieux encore, ce qu'on doit faire pour pouvoir se préparer par rapport à cela? Donc, ça veut dire que maintenant, en tant que dirigeant, vous devez axer non seulement votre propre vie sur la repentance et la sanctification et préparer les gens ce qui vous est établi en conséquence. Voilà la quintessence donc, de la deuxième partie. Donc, tout doit tourner autour de quoi? De la repentance et de la sanctification. Et la Bible déclare, sans la sanctification, nul ne verra. Voilà. Donc, ça veut dire que voilà donc le message pour la deuxième partie, le deuxième volet. Préparez-vous parce que quelque chose sur le point de se passer. Dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 4, je ne sais pas si vous pouvez le lire cela. Jérémie chapitre 4. On a quelque chose. On a un temps de pluie qui est censé tomber. Il avait dit qu'il donnait la pluie de la première et de l'arrière saison. Quand la pluie va tomber, qu'est-ce qu'on fait? On dit en anglais, till the soil. On remue la terre, pas vrai? On remue la terre en attendant la pluie. On n'attend pas que la pluie tombe, boum, on peut commencer à tourner la terre. On tourne la terre avant. Jérémie chapitre 4, tu y es mon cher. Oui. Allons-y, verset 1 et suivant. Écoutez. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Vous entendez ça, hein? Regardez comment l'église est. Tout ce que nous avons vu dans cette partie sur la mariologie là, vous avez vu ce qu'il en est, n'est-ce pas? C'est errement, c'est à cause du fait qu'on s'est éloigné de Dieu. Les idoles se sont positionnées. Vous allez prendre, voici une qui a dit que septième jour, ça c'est l'adventiste du septième jour. C'est un adventiste du septième jour. Après, on quitte là-bas, on tombe sur le témoin de Jéhovah, on tombe là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Les errements. Et il y a les enfants de Dieu donc au milieu qui désirent seulement servir Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a de ces choses qui ont créé les embûches. Il faut ôter. Alors, remarquez très exactement que la repentance consiste à ôter ce qui n'a pas été mis là-bas et changer de mentalité et changer de direction vis-à-vis de cela. D'accord? Donc, la repentance consiste en disant que Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Pour ceci. Ici, il faut du travail. C'est ce que Jérémie va instituer là-bas. Il a prêché ses prédications pendant plus de 23 ans. Personne n'a cru. Jérémie, c'est l'un des mauvais prédicateurs de la Bible. Sur le rapport de notre prédication d'aujourd'hui. Donc, personne n'a cru à sa prédication. 23 ans de prédication. Et il ne change pas de prédication. Repentez-vous. C'est là ça le message. Repentez-vous et pliez-vous sur le cou de Nebuchadnezzar. En fait, si vous ne vous repentez pas, Nebuchadnezzar viendra ici et vous amènera à Babylone. Voilà son message. Ça n'a pas changé. On le met en prison 5 ans. On le sort. On dit que ça a changé. Il dit que tu dois plier ton cou. On ne veut pas reconnaître ça. Donc Dieu n'a pas changé son agenda. Il faut se repentir. C'était le message de repentance. Et non seulement il donne le message qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, il dit les conséquences si on ne fait pas. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas, et c'est là-bas que la reine du ciel était, au chapitre 7. Elle était là parmi les gens avaient tellement abandonné Dieu, où pour lui, les enfants partaient ramasser du bois. Les messieurs, les papas allumaient du bois, les femmes faisaient pétrir le gâteau à Marie. Et ils mangeaient, ils servaient Marie. Et ils avaient quoi? La victoire, ils avaient la bonté, ils avaient tous les bienfaits de cette adoration. Mais ils faisaient comme ça, ils étaient riches, ils étaient dans la bonté, dans l'abondance, mais ils étaient éloignés de Dieu. Petit à petit, l'abondance et l'idolâtrie les ont éloignés du vrai culte. Qu'est-ce que Dieu reprochait à Israël? Du fait qu'ils ont abandonné Dieu pour commencer à servir d'autres divinités. Comment faire? En ajoutant ce que Dieu n'avait pas ajouté. Oui, en ajoutant. Et le prophète Élie, quand il les a confrontés sur la montagne dans 1 Roi chapitre 18 et 19, il a dit jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si Baal est Dieu, allez vers lui. Si c'est l'Éternel, suivez-le. Et suivre Dieu, c'est quoi? C'est obéir à ses commandements. Dans Deutéronome 4, au verset 2, il a dit qu'Israël écoute. Que l'Éternel, ce commandement que l'Éternel te prescrit aujourd'hui, tu n'y ajouteras rien, tu n'y retrancheras rien. Mais tu observeras tel que c'est écrit. Et on a surpris que les gens ajoutaient petit à petit. Petit à petit. Dieu ne confirmera point les paroles qu'il n'a pas dites. Il ne confirmera pas. Ah non, non, j'ai quand même dit ici, mais ici c'est un pourcentage, ici Dieu va comprendre. Non, non, non, non. Si ce n'est pas lui qui a donné la parole, il ne restera pas derrière. Alors il dit, Israël, si tu reviens en notant tes abominations. Vous voyez effectivement, si on ôte les abominations, ce qui crée obstacle, il faut les ôter. Il faut les ôter, les enlever, les dégager. C'est ça, frère? Oui. Donc, vous voyez qu'il y a un prix à payer. Il y aura des décisions dans nos vies que nous devons prendre qui vont coûter les amitiés, coûter des relations, coûter même notre propre vie charnelle ici. Mais ce sera nécessaire pour avancer. Ça sera nécessaire. En tout cas, si vous ne faites pas cette séparation, le Saint-Esprit vient, ça va créer la séparation. Continuons. Verset 2. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Écoutez bien. Défrichez-vous un champ nouveau. Soulignez ça. Voici quelqu'un, les gens qui sont dans la perdition, disloqués par les abominations, qu'ils ont les embûches qu'ils ont tendues devant le Seigneur. Dieu prononce une parole qui est en train d'arriver. Il dit, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Il dit, défrichez-vous un champ nouveau. Voilà en quoi consiste donc le deuxième volet. Vous devez défricher un champ nouveau. Maintenant, pour ceux qui vont au champ, vous devez comprendre ce que le prophète André dit ici. Un champ nouveau, vous allez défricher. Maintenant, vous ne partez pas au champ tout simplement, regardez bien le champ en bas là-bas. En saison pluvieuse, ou bien en saison, regardez partout les herbes. Vous ne pouvez pas prendre tout simplement le maïs, vous ouvrez comme ça, vous semez. Vous ne pouvez pas récolter quelque chose de grand là-bas. Pas vrai? Il faut d'abord défricher. Il dit défrichez-vous un champ nouveau. Et il dit quoi encore? Et ne semez pas parmi les épines. En tout cas, voilà ça. Vous ne pouvez pas semer parmi les épines. Vous ne pouvez pas commencer à dire, maintenant il faut qu'il prêche la sainte doctrine. Vous ne pouvez pas dire, il faut qu'il commence à prêcher la sainte doctrine parce qu'il a écouté la parole de Dieu. Vous avez un acte à faire. Il faut une nette séparation. Il faut un nettoyage. Il faut une sanctification. D'abord propre. Parce que sinon, vous allez commencer à avoir, remarquez bien, vous allez semer le maïs. Certains maïs seront sortis quand même avec des épis. Comme ce maïs que j'ai vu cette nuit-ci. C'est quand même terrible ça. Et puis vous voyez effectivement d'autres qui sortent étouffés. Pas vrai? Or, le but de ce maïs que tu as semé, ce n'est pas que certains sont étouffés et certains ne sont pas étouffés. C'est que le champ de maïs donne chaque maïs. On casse, on met là-bas pour pouvoir utiliser. Pas vrai? il dit défrichez mon sang de vous. Parce qu'en défrichant, on fait sortir d'abord les épines, les ronces, pas vrai? Et là maintenant, on peut s'aimer. Il dit que défrichez-vous et ne s'aimez pas parmi les épines. Alors vous allez noter en disant quelles sont les épines. Parce que vous avez un champ et vous savez très attentivement que le champ ici c'est le cœur. Dans le Luc chapitre 8, il y a un homme sorti pour s'aimer sa sémence. Vous voyez cela? Une partie tombe sur les endroits pierreux, dans les endroits des épines, dans aussi la bonne terre. Et la bonne terre, vous voyez que c'est le champ ici, c'est la bonne terre, c'est la terre. Et donc, vous voyez que c'est le cœur. Et donc, cet homme-ci, la personne qui a reçu la sémence sur la bonne terre, a produit un pour mille, ainsi de suite. C'est pas ça, frère? Mais celui qui sème parmi les épines, il dit que ça pousse quand même. À un moment donné, donc, à cause des soucis de la vie, vous voyez cela? Quand Jésus interprète, il dit que celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est quel un seul genre d'homme qui reçoit la parole de Dieu pour un temps. Et en qui la parole ne produit pas parce que les soucis, vous avez vu ça? Les soucis de la vie, les soucis du siècle étouffent et la rendent infructueuse. Donc vous voyez que pour que la parole pousse, il faut discerner le cœur là, disséquer, défricher, fouiller, chercher les motivations jusqu'à ce qu'elles soient préparées. Si vous dites, attends que le Saint-Esprit vienne pour qu'il guérisse les gens, pour que les gens voient que c'est que ce ne serait pas possible là. Cherchez tout simplement à adorer le Seigneur d'abord. Il faut que ce soit lui et qu'il te place à la place qu'il faut. Donc il faut un nettoyage dans le cœur. Travailler contre les mauvaises pensées. C'est à l'intérieur que ça se trouve. Les meurtres, les adultères, les impuretés, tout ça c'est dans le cœur que ça se trouve, dit le Saint-Esprit. Et donc c'est ça donc il dit c'est ça qui est en l'homme, c'est ça qui souille l'homme. Il faut que ce soit nettoyé. Heureux ceux qui ont le cœur, car ils verront Dieu. Comment avoir le cœur pur? Mon fils, donne-moi ton cœur. Dans Proverbe chapitre 28, verset 26, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Parce qu'il y a des choses à l'intérieur, tortueux, dit-il. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et quelqu'un tape sa poitrine, dit que je connais qui je suis. Je connais ma force de frappe. Un jour, il fait un acte comme ça, lui-même se surprend, il dit, mince, vraiment toi qui fais ça. Il parle comme ça lui-même. Hein. Il dit, c'est vraiment toi qui as fait ça. Parce qu'en réalité, toi-même, tu t'es surpris en train de faire cela. Le cœur méchant. Tortueux, qui veut nous pousser à des actes que nous n'aimerions pas faire. Dans une autre partie, si nous avons vu comment on a lu là-bas, dans Proverbe chapitre 4, verset 23, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient des sources de la vie. Alors, cette étape se consiste à défricher un champ nouveau, c'est-à-dire travailler et axer dans la repentance de tout notre être. Notez 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 encore. Notez. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Chapitre 6 de ce même 2 Corinthiens. Chapitre 6. Verset 14 à 17. Un Corinthiens aussi, chapitre 5. Et 6. 1 Corinthiens chapitre 5 et 6. Un Pierre chapitre 4. Dans le premier volet, dans la première partie où nous avons travaillé, je vous ai donné 2 Pierre au chapitre 1. Dans ce livre de 2 Pierre chapitre 1, la Bible déclare comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue au salut et à la vertu, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous allez rentrer, maintenant, vous lisez les versets à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Et puis vous notez les choses que le Saint-Esprit vous demande de faire, d'accord? Dans 2 Pierre chapitre 1, vous lisez du verset 3 jusqu'au verset 10. Vous travaillez sur les versets. Il faut faire rejoindre à votre foi la vertu, la patience. On dit que faites donc tous vos efforts pour vous joindre à telle chose. Et puis conclure en disant que si ces choses sont en vous et que nous sont en abondance, il ne vous laissera pas oisif pour la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Mais parallèlement, il dit, mais celui en qui ces choses ne sont pas, où est la conséquence? Il dit qu'il ne sait rien, il ne sait pas où il va, il a oublié la purification de ses anciens péchés. Par conséquent, il peut tomber dans le péché sans s'en rendre compte, tout en citant la Bible. Donc on a un problème profond et on doit travailler avec assiduité. Vous avez mon frère? Alors ici il dit à Israël Jérémie chapitre 4, il dit que Israël doit se défricher un champ nouveau. Et puis il donne l'ordre de ne pas s'aimer parmi les épines. De ne pas s'aimer parmi les épines. Jésus dira qu'on ne coupe pas un vêtement neuf sur un, sur ce qui est vieux. On ne veut pas donc, pour ne pas recueillir le vin qui arrive dans les vieilles outres, il faut qu'on se sanctifie soi-même. 2 Corinthiens, 2 Timothée chapitre 2, vous avez noté ça aujourd'hui, verset 19 à 22, à 26 même. D'accord? Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vin. Si quelqu'un s'abstient de ces choses, donc arrête de faire. C'est pas ça? Il sera un vase d'honneur. Donc, pour être un vase d'honneur, avec cette contenant ce trésor-ci, ce grand trésor-ci qui appartient à Dieu, il faut se préparer. Il faut que le vase soit prêt pour le service. Sanctifié pour le service. Sanctifié, mis à part. Les ustensiles de l'ancienne alliance, quand c'était ustensile, les gens prenaient de l'or et haut de là-bas, beaucoup d'oreilles, pendant d'oreilles, ainsi de suite, brasseries pour venir faire. Quand on a fondu cela, c'était là. Dès que c'était sanctifié, c'était prêt pour être entré dans le service. Toute personne qui touchait était sanctifiée et touchait maintenant le chose de Dieu. Où est-ce là? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. On doit le considérer comme tel. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Comme ça appartient à Dieu, je n'ai pas le droit de faire de mon corps n'importe quoi que je veux. Ça doit être bien assimilé. Je dois bien assimiler cela pour comprendre que de mon corps, je ne dois plus rien faire. Quand on comprend cela, les gens qui font le maquillage, ils font le jeu, quand on prêche, ils croient peut-être parce qu'ils n'ont pas entré en profondeur. S'ils entrent en profondeur, ils comprennent qu'ils n'ont pas le droit de faire sur le corps ce qu'ils veulent. Glorifier donc, le jour que Christ est allé à la croix, payer le prix, il a pris droit de propriété sur tout l'univers. Tout l'univers. Vous voyez ça, frère? Tout l'univers. La Bible dit que vous ne vous appartenez point à vous-même. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15 dit que nous estimons que si un seul est mort pour tous, alors tous donc maintenant doivent vivre et consacrer leur vie pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc ça veut dire que si Christ est mort pour moi, ma vie ne m'appartient plus. C'est à lui. Et par conséquent, il ne doit plus me préserver ma vie parce que lui, il veille sur ça. Quand il veille sur ça, quelles sont les choses qu'il me demande de faire? Je dois vivre d'après sa parole. Pour vivre d'après sa parole, je dois marcher comme il en est. Mais avant cela, pour entrer en action, il faut faire quoi? La repentance. Parce qu'avant, chacun suivait sa propre voie, comme dit la Bible. Chacun, nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Et puis Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité. Il faut la repentance. Donc, accès, c'est là devant nous. À partir de l'année prochaine, ça sera Dieu ici au pays. Mais ça va accentuer comme ça au milieu de l'église. Ce qui est arrivé dans le pays sur le plan politique ou là-bas, démographique, c'est un bouleversement que Dieu en a de faire. Regardez bien. Vous savez, quand la sauce est au feu, vous mettez le sel comme ça. Vous mettez ce pan dans un endroit. On prend le bâton là, vous appelez les cuillères. Et puis on tourne comme ça. Quand on tourne comme ça, si le sel était à l'intérieur, il les balance. Dieu est en train de tourner cette nation. Les gens ne voient pas comment il est en train de faire. Il est en train de tourner. Les choses vont changer. Les conditions vont changer. Le gouvernement va changer. Il va changer ce pays-ci. Ça, c'est à cause de nous. Il a de bouleverser parce qu'il va entrer dans toutes les strates, depuis le gouvernement là jusqu'au bas peuple. Dieu va s'installer. On a un rôle à jouer. L'église va encore une fois être plus être forte pour la première fois dans cette nation. L'église sera forte dans cette nation. Pas les ridicules qu'on fait aux pasteurs, mais non, on entend que les pasteurs ont fait n'importe quoi. Sur le plateau de télévision, vous voyez comment les satanistes défient les pasteurs. Ça va changer de camp. Vous avez un rôle à faire. Nous voici rassemblés ici depuis le matin aujourd'hui. Pas vrai? Nous parlons de Dieu. Vous pensez que l'ennemi, lui, il dort? Non. Pendant que vous dormez en journée, même pour revenir, il ne dort pas. Au contraire, l'ennemi même fait même des réunions en chaîne pour prépare les actions. Quand ils entendent, on déclare ces choses. Parce qu'ils déclarent au travers de l'église que les dominations dans le lieu doivent connaître les mystères de Dieu, les sagesse de Dieu. Quand ils entendent, on déclare comme ça, les démons entendent. Ils mettent, on a dit que ça sera fort dans le pays. Vous savez que vous pensez qu'il reste comme ça? Parce que le Saint-Esprit vient pour confronter les puissances ténébreuses. Alors il se prépare en charge pour pouvoir charger sur nous. Ils vont préparer, bombarder, ils vont sortir des décrets, sortir des choses, ils parlent des célestes. Ils vont sortir des choses maintenant pour distraire, les distractions seront bien. Dans le lieu de service, on va augmenter le travail pour distraire, pour que vous ne soyez pas concentrés dans cette direction-ci. Vous devez veiller pour que vous pour être préparé. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6, il dit quoi? Il dit, tenez-vous, il dit, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Pour pouvoir tenir ferme, il faut les armes de Dieu. On ne peut pas rester tout simplement, on vous a dit que, ok. Frère Junior a dit qu'il y aura le réveil au Cameroun. Réveil, c'est. C'est pas comme ça se passe. Il faut se défricher un champ nouveau. On ne sème pas dans les épines. Le Saint-Esprit ne viendra pas dans un cœur où il y a la haine. Ça ne peut pas marcher. Vérifiez dans votre Sainte Écriture. Il faut que Dieu justifie ta foi, que ta foi lui est agréable, pour qu'il l'accorde. Vous comprenez ça, frère? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Vous avez foi en Jésus-Christ? Oui. J'en ai la tempérance. Vous voyez cela, la science, ainsi de suite. Et par-dessus tout, ça quoi par l'amour. Allons-y encore. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Oui. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Oui. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Stop. circoncisez-vous pour l'Éternel. Il dit comme ça aux gens qui sont déjà en disgrâce. Parce que verset 1 dit, Israël revient à ton Dieu et ôte devant ses yeux les abominations. Ça, c'est l'exhortation à la repentance. C'est préparer à la visitation du Seigneur. Vous comprenez? C'est ce que Osée chapitre 14, je crois qu'aujourd'hui vous avez donné vraiment ça. Osée chapitre 14, verset 1, 2 et 3 le dit. Vous me suivez, frère? Ok, allons-y. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, oui, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Donc les actions ont irrité Dieu. Et Dieu dit que voici la solution de faire avant qu'il ne vienne en action. Parce que quand les gens entendent comme ça, ils sont obligés de se repentir. Et ceux à qui l'appel à la repentance a été fait n'ont pas entendu. Et justement, sa colère est venue, ça les a frappés. Pas vrai, frère? Maintenant, le Seigneur dit, il est sur le point de visiter le pays. Parce qu'il faut qu'il lave le péché de son peuple. Parce que l'église est enfuie dans le péché, entachée dans le péché. Vous remarquez, les gens qui luttent avec la fornication, luttent avec la pornographie en milieu de l'église. En milieu de l'église, ça montre que quelque chose ne va pas. Quelque chose se trouve hors. Ces personnes-là ont désiré entrer cette fois-ci. Où les gens vont vivre véritablement dans la sainteté comme le Seigneur le veut. Tout ce qu'on fait là, on bagarre seulement. Mais il arrive, il va se positionner. Et quand on va prononcer le nom du Seigneur, on va prononcer cela avec révérence. On va prononcer le nom du Seigneur, on va prononcer le nom du Seigneur avec crainte et tremblement. On ne dira plus n'importe quoi que Jésus, les chrétiens ont fait comme ça. Avant de appeler chrétiens, on va savoir de quoi il est question. Comme il a dit, quand il va restaurer les juifs là-bas maintenant, les nations souhaiteraient être bénies par eux. Ils vont dire que allons à Jérusalem pour adorer votre Dieu. Mais peut-être, regardez bien, voilà, Israël qu'on a méprisé maintenant. Tout le monde méprise Israël. Ça va changer de camp. Tout comme ça va changer du côté de l'église. Il y a un prix à payer. Je vous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Un collier pour un de vos yeux afin que vous voyez. Et un vêtement afin que vous marchiez. Vous voyez qu'on ne peut pas porter ces vêtements du salut. Le vêtement de la délivrance avec le vêtement de Shinéa. On ne peut pas porter le vêtement de Shinéa. Il a dit qu'il va punir dans le pays tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Écoutez ce qu'il dit au peuple. Et vous savez que le vêtement, c'est le symbole même de l'autorité. C'est des puissances, des dons spirituels. Vous voyez? Il dit que vous ne pouvez pas mélanger le vêtement de Dieu avec le vêtement sacerdotal de Satan. Le vêtement de Shinéa. Il faut une séparation. Il faut une séparation. Donc, l'appel à la repentance. Chacun individuellement. Faites ça individuel. Parce que sachez que vous pouvez venir prêcher aux gens comme on a prêché, comme ces jeunes garçons que vous entendez là. Il rentre à la maison là-bas, vous savez pas ce que le Saint-Esprit fait dans sa vie. Il change comme ça, le Saint-Esprit tombe sur lui. Tu es étonné de ce que le Saint-Esprit a fait. Vous savez ça, frère? Et demain, la personne à qui vous annoncez en blaguant dans le péché, il devient au-dessus. Vous dites non, Seigneur, Seigneur, parce que la personne entend promptement, il réagit. Alors, il faut qu'on se prépare. Chaque personne, de façon individuelle, doit veiller sur sa voie. Il faut rentrer dans la repentance. Je crois que je vais vous envoyer un document, même par WhatsApp, pour que vous lisez de quoi il est question, sur le travail, sur le réveil, pour se préparer pour le réveil. Il faut un travail de façon minutieuse. Que le péché que tu as dans le cœur, qui se passe à l'intérieur de toi, soit dévoilé comme péché. Appelé comme péché. Nettoyer. C'est qu'il faut ôter, comme on a vu au verset 1, ôter les abominations devant Dieu. C'est que tu sais que Dieu n'aime pas, il faut ôter. Les idoles ne les caressent pas, on ne dit pas que je vais prier sur les idoles, ça va changer. Tu pries sur une idole, ça reste une idole. Les idoles, on les casse, on brûle. On casse, on brûle. C'est qui est idole, on casse, on brûle. On ne dit pas que les idoles, il peut mettre la peinture, ça veut prier. Il met les versets bibliques, c'est ça que ça change. L'idole, c'est l'idole. Vous me suivez, frère? Amen. Vous m'avez bien suivi? Amen. En résumé, il vous faut la consécration à l'œuvre en regardant dans la bonne direction si vous êtes aligné avec les Écritures. Deuxième chose, il faut regarder, en parlant que vous en avez fait, regarder la direction de la repentance, c'est là où Dieu nous attend parce que quelque chose est en train d'arriver. Pour appréhender ce qui est en train d'arriver, pour être bénéfique de ce qui arrive, pour que cette pluie-là tombe sur notre terre et que nous ayons les bonnes semences plus tard pour pouvoir bien produire les semences parce qu'il nous a appelés pour qu'on produise des fruits. Il faut se préparer pour la repentance, dans la repentance. Se préparer dans la repentance. Et pendant que vous en avez préparé dans la repentance, parler de la cette même repentance aux gens parce que c'est pas seulement pour vous, c'est pour tout le monde. C'est pour ça que je vous en parle. Depuis 2009 qu'il a fait cette promesse-ci, je suis en train de parler de cela depuis 2009. Depuis 2009, ça arrive ici au pays. Parce que quand j'étais sorti hors de ce pays-ci, je croyais peut-être qu'il devait faire partie. Comme ça pour toujours. Je ne savais pas pourquoi il me faisait partie. Alors je suis sorti avec toutes mes choses parties. Après, il prédit que pourquoi tu m'amènes ici? Toutes mes choses. J'étais hors du pays avec toutes mes choses. Donc je pouvais ne pas rentrer. J'avais mon petit sac comme ça avec toutes mes choses. Il n'y avait plus rien. En tout cas, j'en avais rien. Quand je suis sorti comme ça hors du pays, je suis sorti hors de la frontière du Cameroun. J'avais tout. Il n'y en avait plus rien au Cameroun. Donc si il mourait là-bas, il fallait n'importe quoi là-bas. Je n'avais rien qui avait laissé comme m'appartenait. Après, il me dit, je t'ai fait venir ici pour voir, afin que tu voies les abominations qui se font en mon nom, afin que ce qui va venir dans ton pays, ce que je vais faire dans ton pays, vous faites attention de ne pas faire ces mêmes abominations. Donc, on fait les choses au nom de Dieu et Dieu n'est pas dedans. C'est-à-dire que fais à se faire selon ce que je t'ai montré. ce que tu montres comme vérité, fait. C'est pour ça que depuis 2009, il me tue à faire ça. Il ne peut pas changer de cap. Vous me suivez, frère? Parce qu'il dit chaque fois que le réveil arrive, c'est au Cameroun, c'est pour préparer pour le réveil. Il dit parce que tu fais partie des jeunes gens qui veulent élever dans cette nation, c'est pour élever mon nom. C'est ce qu'il a dit depuis 2009. Alors je suis là, fais à cela. Je t'enverrai des gens pour que tu vas préparer pour ce réveil. Donc quand quelqu'un vient, c'est mon travail là-bas pour les préparer. Prêche juste ma parole, je vais habiter dans le cœur. C'est ce qu'il a dit. Alors, la parole, tu prêches, quelqu'un entend, et puis ça, il y a un déclic qui crée. Il croit que c'est lui qui en a le fait. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Jean-Baptiste, ça passe, c'était répentez-vous, le royaume approche. Les gens venaient en foule à lui. Qui allait les attirer? Le Saint-Esprit qui faisait l'œuvre. Quand il vient, il dit acceptez, il ne se répand pas. Quand le Messie vient, les personnes sont prêtes à le recevoir. Vous comprenez ça, frère? Voilà. Donc, le changement qui en a laissé produire, c'est pour sceller pour le Messie. C'est pour le Messie. Le Messie arrive à la porte. Et seuls ceux qui auront son esprit le rencontreront. Le moment de l'huile pour le Cameroun arrive. Ne perdons pas cela. Ne perdons pas cela. Vous ne pouvez pas faire tout et tout pour perdre cela. Vous perdez cela. Vous serez religieux. Ou mieux, vous allez tourner maintenant en haine. Ne perdez pas cela. La grande visitation du Seigneur qui arrive au Cameroun. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on va entendre que non. Ça sera tout le Cameroun. Vous allez voir comment ça va balayer le pays. Balayer le pays. Nord à sud, l'ouest à l'ouest. Regardez bien les frontières. Ça va briser toutes les frontières. Vider les dénominations. Vider telle ou telle chose. Les gens seront touchés. Et vous allez voir maintenant comment on adore Dieu en esprit et en vérité. Ça va arriver. Ça va se passer au journal. Le phénomène sera tellement bizarre que même le journal, ça va sortir dans la presse. Vous ne pouvez pas rater ceci. Vous ne devez pas rater ceci. Vous ne devez pas rater ceci. Donc c'est pour eux que quand ça va venir, votre confort quotidien, votre train-train quotidien soit bousculé par le Saint-Esprit, par la nouvelle donne de ta vie. Parce que maintenant, par exemple, si tu dis, je vais sortir maintenant pour aller prêcher l'évangile, il t'a envoyé quelque part, tu parles, on te tape, tu vas dire que quoi, que Seigneur, il fait ça en ton nom, il t'a envoyé, attendez que le Saint-Esprit vienne, vous saurez. Vous saurez de quoi il est question. Vous saurez. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'en ai terminé. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai terminé à Yaoundé. Amen. J'ai terminé à Yaoundé pour le moment. Chez ma soeur, d'accord. Oui, laisse que Marie fasse ces choses-là. Que ça te bénisse. Oui, qui sort ta mère, même ta mère de l'église, même ta mère de l'église. Il n'y a pas de problème. Il faut la repentir et la sanctifier. Car... Voilà. Alors que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, vous pouvez manger. Allez manger, il va rester avec celle-ci. Allez manger d'abord, manger. Il n'y a pas de problème. Non. Mange quand même un peu.